C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rookie. Xavier McLeish fera comme d'habitude et inventera des niaiseries dans sa conique. Et je vous parlerai d'applications et de projets vraiment fous. Mais ça, c'est un secret. Ah, le secret de ma chaîne, man. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rookie en ce lundi 25 septembre 2017. On est à 214 jours de la fin d'année scolaire 2017-2018 et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Il reste quand même beaucoup de jours d'école, Mathieu. Oui, quand même. Mais bon, tu sais, on commence. Ben oui, pas le choix. Faut voir ça positivement, il en reste juste 214. C'est ça, exactement. C'est rien, ça. Hey, c'est le début vers la fin. C'est ça, exactement ça. Comment vas-tu, Tania? Tu passes une belle fin de semaine? Ça va très bien. C'est la première fin de semaine que j'avais le droit de semi-dormir. T'avais pas de dimanche. Soccer dimanche, ouais. Exactement. Et ça s'est bien passé. Bien qu'il anime le soccer, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait pas de match? C'était à l'extérieur? En fait, non, c'était pas à l'extérieur, mais le système de son était en réparation, donc... C'est des choses qui arrivent. J'aurais pas pu le faire au porte-voix, tu comprends? Moi, j'étais tout rempli de motivation et de bonnes intentions ce matin. Notre collègue et ami Alassania Kouyi m'avait suggéré de prendre l'autobus service alternatif. Oui. Service alternatif pour me rendre jusqu'à l'UQTR. Ça commence à 7h30, ces choses-là. Non. Ça n'était pas rendu compte, je pense. Probablement qu'elle arrive pas pour 7h. J'étais là, je faisais mes affaires super tranquillement. Je me suis dit, je vais prendre la bus, ça va être parfait. Non, finalement, il a fallu que je me dépêche pour prendre celle de 6h30. Oh. Voilà. Et arriver juste en studio. Bref, aujourd'hui à l'émission, pour ce début de semaine, on va avoir du plaisir ensemble parce que Xavier McLeish va être avec nous à 9h pour sa chronique. C'est une chronique qui fait un petit peu humoristique, là. C'est un petit peu n'importe quoi. En fait, c'est pas mal vraiment juste n'importe quoi, cette émission, je pense. Ça, c'est à 8h. Ce qu'on va voir, c'est André Cartier qui va venir nous parler de Roller Derby. C'est pas sa première fois à l'émission, mais on a bien aimé lui en parler. Et on va faire ça une nouvelle fois avec elle pour une nouvelle saison, donc à partir de 8h. Sinon, ta chronique s'en vient, Agnès Galant-Entretenia, en milieu d'émission, qu'est-ce que tu nous prépares? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous parler d'applications, des applications qui pourraient peut-être vous sauver la vie ou vous allez peut-être juste triper aussi, okay. Vous allez voir, ça dépend de ce que vous aimez ou de ce que vous recherchez. Et sinon, je vais vous parler de certains projets de fous. Ça reste un petit peu un mystère, vous allez voir, mais c'est de grands projets qui devraient devenir très, très gros avec de le temps. De ta part? Non, pas de ma part. Ah! Je pensais que tu nous préparais quelque chose. Non. Mais pas le temps. Pas le temps de faire ça. Sinon aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on va faire Après le crime en toute fin d'émission. Et puis, on va débuter ça dans quelques instants avec son foutu palmarès. Et on va se faire une liste de choses un petit peu rétro aujourd'hui encore. Je sais pas, la mode du rétro me revient une fois de temps en temps. Pour cette chronique-là, c'est ça. Mais avant ça, on s'écoute une nouvelle entrée du palmarès francophone que vous allez réentendre dans l'édition Nouvelles entrées des palmarès et fous ce midi. Ça s'appelle La mystification. À ne pas confondre avec la mastication. Ouais, c'est moi ça. Qui ai la misère à parler ce matin. Voici Nicolet, tout de suite, à Assemblage Rookie. Fait chaud pourtant pour avoir à faire des exercices de bouche aujourd'hui. Très chaud. C'est humide. C'est fou. Je veux avoir de l'air. Et non, vous ne vous êtes pas procuré un radio AM dans les années 80 ou 70. Non, c'est vrai. C'est bien le son de cette chanson, Nicole avec la mystification. On a beaucoup de choses techniquement qui marchent moyen ce matin. Oui, on sait comme pas ce qui s'est passé dans le studio là, ce matin. On sait pas, les colonnes de son sonnent vraiment mal, tout sonne croustillant, si on veut. Ouais, c'est une belle façon de décrire les choses. Même que je pense que si je recule la chanson puis que je la monte et je la descends, le petit grichage. C'est ça, là. Non. Ah, c'est agressant pour moi, mais bon, c'est comme ça, on est prêt avec ça. Maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis, comme les problèmes du studio. Mettons, ce serait une liste qu'on pourrait établir. Par exemple. Aujourd'hui, on retourne dans le passé, mais des trucs vraiment arriérés. Là. J'ai préparé quelques petits sujets. On va voir lesquels on va faire. Mais commençons par 15 saveurs de nourriture et de boissons qui ont été retirées du marché avec le temps. Oh, OK. Discontinuées, si on veut. Donc, trop bon ou trop mauvais pour le monde. Trop original, peut-être, pour certains. Donc, des saveurs qui ont disparu. Pour commencer, Ben & Jerry's, la crème glacée. Mm-hmm. Peut-être as-tu déjà vu un extrait ou le sketch en tant que tel, le Saturday Night Live, où on parlait de Sweaty Balls. C'était avec Alec Baldwin, c'est un classique. Mm-hmm. Ouais, bref, ça venait de là. Donc, c'était de la crème glacée à la vanille avec un petit peu de rhum. Ici, il y a du rhum couvert de fudge et des boules de malt à l'intérieur. My God! Incroyablement bon, génial. Donc, c'est un favori des fêtes qui est revenu pour une saison limitée en 2011. Et maintenant, ben, c'est retiré, c'est discontinué dans le cimetière des saveurs Ben & Jerry's. En fait, ils appellent vraiment ça Ben & Jerry's Flavor Graveyard. Ah, oh, c'est triste. Ils ont une section sur leur site web. J'imagine que le partenariat avec NBC ou peu importe, c'est terminé. Donc, ils n'ont plus le droit du nom. Ils auraient pu quand même sortir le même saveur, mais avec un autre nom. Ouais, c'est ça. Ça aurait été bien. Ben, bref. Ensuite, on va chez Starbucks avec le Maple Macchiato. Les boutiques Starbucks quoi, ouais. Aux États-Unis, donc ont introduit le Maple Macchiato en 2012 et maintenant, ben, il l'a au Canada seulement. Voilà, c'est là que ça vit. Ça voulait aussi que ça nous disait quelque chose. Et voilà, donc c'est des couches d'espresso riches, de lait à vapeur et de vanille avec du vrai sirop d'érable québécois qui vient de la région de Beauce-Appalaches. Ouh, je savais pas ça. Ensuite, les Krusty Kettle Chips, saveur de habanero ginger, donc gingembre habanero. Mm-hmm. Le site web de Kettle nous suggère d'essayer la saveur Spicy Thai pour remplir le vide laissé par habanero ginger. Donc, on s'entend gingembre et piment habanero versus thaïlandais épicé. Ça peut peut-être avoir un certain kick, mais c'est pas la même chose que du gingembre. Mais non, c'est on pourra jamais vraiment les remplacer. Mm-hmm. Ensuite, j'ai Pop-Tarts Orange Cream. Crème à l'orange. Ouais, ils vont pas d'habitude très très loin dans les saveurs. Pop-Tart, c'est assez traditionnel. Fraise, framboise, chocolat, peu importe. Mais quand même, ils ont essayé quelques fois avec différents degrés de succès. L'édition limitée Orange Cream est arrivée en même temps que Chocolate Banana Split. Banane et chocolat. Oh, ça a été discontinué en 2009. Miam, en effet. Ensuite, on va chez Jones Soda, célèbre liqueur originale, boisson gazeuse. Saveur de plaisir, fun. Qu'est-ce que ça goûte, le plaisir? Bon, on ne saura jamais. Parce je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas trop, là. Plaisir, et ben. Ensuite, chez Doritos, avec les First Degree Burn, Blazing Jalapeno. My God. Oui, c'est assez intense. Hein? Donc, c'était First Degree, bien sûr, pour un premier degré de brûlure. Il y avait aussi Second Degree, Burn Fiery Buffalo, et Third Degree Burn Scorching Habanero, qui se sont aussi rendus en magasin, mais toutes ont été retirées. Ensuite, j'ai Boone's Farm, je ne connais pas, mais la saveur, non. Country Quencher, donc c'est une saveur c'est du jus, je crois. Attends un petit peu, on va aller voir sur boonesfarms.net. C'est du... ça ressemble à du cidre. Oh, d'accord. D'après moi, c'est du cidre. Bref, c'était une des boissons préférées de Trace Adkins, gagnant de Grammy Award. Mais bon, ça a été retiré vers 2009 environ. Ensuite, chez Buffalo Wild Wings, on parle d'aile piquante, Salted Caramel Barbecue. barbecue caramel salé. Je suis pas certaine. Je sais pas, c'est de la saveur de sauce barbecue, bien sûr, avec un petit coulis de caramel et une pincée de sel. Les gens qui aimaient le sucré salé adoraient ces ailes piquantes-là. Ensuite, chez Gatorade, des saveurs de lemon ice. Il y avait beaucoup de fans de ça, apparemment. Moi, j'aimais le Gatorade au citron. Là. Citron, c'est toujours très, très bon comme saveur. C'est rafraîchissant. Limonade style un petit peu. Mais c'est toujours disponible des fois pour un temps limité. Mais présentement, c'est semi à la retraite. On va chez... Je crois que c'est le restaurant Combos, oui, avec Cheeseburger Cracker. Donc, les gens chez Combos qui ont seulement 8 saveurs de burger sur leur menu. Ils ont plusieurs saveurs discontinuées, dont bretzel à la moutarde. Ah non, c'est des craquelins, je m'excuse, c'est des craquelins. On a Peanut Butter Pretzel, Peanut Butter Cracker. Mais la compagnie a agacé les gens ramenant Cheeseburger Cracker en 2008 et ensuite en 2010, et c'est pas revenu depuis. Mountain Dew avait sa saveur Pitch Black. Mountain Dew, c'était une version donc mauve foncée de cette boisson. C'était au raisin, c'est sorti en 2004 pour l'Halloween. C'est ressorti en 2011, mais ensuite, il y a toujours des fans qui en parlent pour ramener Pitch Black, mais non, ça revient pas. En 2005, il y a une version Pitch Black 2, mais c'est disparu super, super vite après son arrivée. Ensuite, les Altoids, les petites menthes en canne de métal. Version surette, les Altoids Sour sont arrivés en 2004 avec des saveurs distinctes, donc framboise, lime, pomme, tangerine et mangue. Les bonbons étaient dans une canne ronde au lieu de rectangulaire. C'était discontinué en 2010 à cause d'une faible demande. Mais on peut toujours les trouver des fois sur eBay ou sur Amazon dans des boutiques externes pour ceux qui sont qui ont une petite fringale de menthe surette. Ensuite, on retourne à la crème glacée avec Baskin-Robbins et leur saveur White 2K Chocolate Overload. Jeu de mots avec le bug de l'an 2000, bien sûr, un moment fou de l'histoire. Et Baskin-Robbins a créé cette crème glacée-là en hommage au Y2K. C'était un tourbillon de chocolat et de mousse au chocolat blanc, avec en plus des pépites de chocolat blanc et noir. Mon Dieu! Et des chunks, des morceaux aussi, pas juste des pépites, des morceaux de chocolat noir et blanc. Ils ont un catalogue de saveurs discontinuées si vous voulez aller voir sur leur site. Tu terminais ça, puis tu faisais déjà du diabète. Eh ben, mais un délicieux diabète. Ouais, c'est ça. Ensuite, chez Snapple Elements, on avait donc des versions Snapple, tu connais, en bouteille de vitre, pour Earth, Rain, Sun et Fire, donc terre, pluie, soleil et feu. C'était les éléments originaux de cette ligne de Snapple qui n'a pas duré trop longtemps, au début des années 2000. Les gens demandent toujours leur retour, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Et on termine avec Skittles, avec Fizzled Fruits. Donc, Fizzle Fruit, c'est une variété de Skittles avec de la poudre qui faisait du fizz, là, un peu comme les bonbons pétillants. Ouais. Bref, ça n'a pas vraiment fonctionné avec les fans de bonbons. Ça a été discontinué en 2012. Et il y a une longue, longue liste de saveurs de Skittles qui a été discontinuée là aussi sur Internet, sur Wikipédia. List of Skittles Products. Voilà pour les produits qui ont été discontinués en termes de nourriture. Ensuite, on continue dans le même domaine avec des jeux de société de Milton Bradley qui ont aussi été discontinués avec le temps. On connaît des jeux comme Simon, comme Connect 4, ça existe depuis des décennies. Milton Bradley, la compagnie, en fait, le gars est mort en 1911, je savais pas ça. Ça aurait pu faire que Milton Bradley n'aurait pas aimé certains titres qui ont pourtant porté son nom. Donc, commençons avec Town Dump. La dombe, c'est quoi? C'est un... Ouais, c'est la ville de déchets? C'est ça, ben c'est, non, c'est le contraire, c'est les déchets. Comment t'appelles ça? L'endroit où tu mets les déchets, voyons. Comment ça s'appelle? Pas le dépotoir. Oui, c'est ça, exactement. Le dépotoir de la ville, voilà. Donc, c'est pour habituer les gens, les enfants, à jouer avec leurs déchets. Donc, deux joueurs, tour à tour, partaient un bulldozer miniature qui passait à travers des morceaux de déchets et les poussait, les tassait du chemin. Donc, c'était vraiment une façon de faire jouer les enfants avec leurs déchets. C'est vraiment ça. Pas mal ça. Les déchets des autres deviennent les bonheurs des... Bref, on se comprend. Alors, ensuite, c'était... en quelle année? C'était en 1977. En 1976, Breaker 19, The CB Truckers Game. Donc, le jeu des CB de truckers ou des truckers à CB. Des années 70, bien sûr, les joueurs commençaient à l'entrepôt et tiraient des cartes pour voir quel genre de cargaison, comme des animaux, des œufs, des meubles de bureau, ils avaient besoin de livrer avant leur limite. Les cartes de CB pouvaient soit aider ou nuire à votre travail, et lorsqu'on complétait la tâche, on retournait à l'entrepôt pour ramasser un chèque de paye et dire au revoir à votre famille pour une autre 2 semaines parce qu'on allait sur la route en camion. C'était vraiment pour faire des enfants des adultes, je pense. Ouais, je pense que ouais, hein. En 1977, c'était le jeu A Day with Ziggy. Ziggy, qui est une bande dessinée pas super utile et pas super appréciée. Donc c'était un jeune garçon en forme de gros bouton, en forme de rond si on veut, ouais, sans pantalon en plus. Il est apparu en 1971 pour la première fois. Y a-t-il comme une petite feuille à la place d'avoir des sous-vêtements? À la place des sous-vêtements, je suis d'accord avec toi, c'est exactement ça. Pas de pantalon, il faut bien mettre quelque d'accord. chose là. Ben ouais, c'est ça. Donc, il y a eu assez de notoriété pour finalement avoir ses propres produits sous licence. Et comme la bande dessinée, le jeu n'est pas trop compliqué. Les joueurs lancent le dé et avancent ou reculent le nombre de cases appropriées. Mais c'est pas mal tout ce qui se passe. Ensuite, Feely Mealy en 1967. The game that gives you a funny feeling. Le jeu qui vous donne une drôle de sensation. Avec le succès de Twister en 1966, Milton Bradley a complètement compris le style de jeu de party qu'il devait faire. Donc, dans Feely Mealy, les joueurs devaient dessiner une carte décrivant un article et ensuite bouger leurs mains. On entrait vraiment littéralement la main dans la boîte, là, un peu comme on entrerait des fois dans les hôpitaux, on voit le gant. Tu sais, tu rentres ton gant dans une boîte, là, dans les films ou les émissions d'hôpital. C'est un peu le même principe, mais avec une boîte de carton. Donc, le jeu a des accessoires comme des petites fourchettes, des animaux de plastique. Les gens peuvent aussi ajouter leurs propres affaires et tu mets vraiment ta main dans la boîte. Donc, ça aurait pu être cruel. En effet. Ça aurait pu être un bol de pudding, on sait pas. On sait pas. Ensuite, tu connais peut-être l'humoriste Rodney Dangerfield. Il avait son propre jeu de société, No Respect, Rodney Dangerfield's Game en 1985. Donc, on ramassait... les joueurs, en fait, se faisaient dire de ne pas compter son argent avant d'avoir gagné. C'était un échantillon de blagues de M. Dangerfield. Il y avait d'ailleurs un échantillon de blagues à l'intérieur de la boîte. Ensuite, Let's Be Safe, en 1986, quand c'est le moment de jouer, la dernière affaire que les enfants voudraient faire, c'est apprendre des choses, donc Let's Be Safe, oui, se déguise en jeu, mais en fait, c'est des leçons qu'on apprend, comme traverser la rue correctement, faire attention aux dangers, comme dans Stranger Danger. Le premier joueur à se rendre à la maison en un seul morceau gagne, et c'est l'animatrice télé Joan London qui était la mascotte du jeu. Donc imagine, tu sais, c'est la soirée de jeu en famille, et les parents sortent le Let's feu des leçons. Safe. Let's be ouais, safe. C'est ça. Ensuite, Stuff Your Face en 1982. Pas Shut Your Face, Stuff Your Face. Variation de Hungry, Hungry Hippo. Donc, Stuff Your Face, c'est deux clowns en guerre et en course pour voir qui peut avaler le plus de billes. Donc, les employés de cirque sont contrôlés par deux joysticks, deux petits bâtonnets là, de contrôle, qui positionnent leurs mains sur le terrain de jeu. Un clown qui mange une bille rouge perd. Les joueurs qui ont de l'expérience peuvent essayer de lancer des boules interdites dans la bouche du clown opposé. Donc c'est ça, on remplit la bouche d'un clown. C'est un clown en carton en passant, rien de trop sophistiqué. C'est pas des beaux petits masques de clown, non. Ensuite, toujours la liste des jeux de société oubliés. Squatter en 1962, toujours chez Milton Bradley. Certains jeux de société sont remplis de tension, là, tellement que tu sues tout le long. Squatter, c'est un jeu australien donc qui nous parle, en fait, qui ramène sur la table le principe des bergers et des moutons. OK. Ouais, donc les gens vont ramasser, vont faire ramener les moutons en achetant et en vendant. Donc le premier à avoir 6 morceaux de laine dans leur inventaire et le gagnant. Et si on atterrit sur le mauvais carré, tu pourrais être victime d'un empoisonnement. Mon Dieu! Ce qui pourrait faire descendre la population de moutons. C'est dommage triste. C'est un jeu classique apparemment en Australie, Squatter. Bizarre, hein? Très bizarre. Ensuite, Duran Duran, Into the Arena comme en 1985. Duran Duran, le band? Comme le band, donc le groupe populaire dans les années 80. Duran Duran ont profité de leur popularité pour faire un jeu de société. Donc les fans pouvaient écouter bien sûr leur musique pendant qu'ils jouaient au jeu. Et ensuite, on devait matcher des titres et des vidéoclips pour entrer dans le Inner Circle, donc le cercle rapproché du groupe Duran Duran. Into the Arena, donc on ramasse des cartes, des membres du jeu, des vidéoclips, des trucs comme ça. Ensuite, Lobby, a Capital Game en 1949. Donc, c'est votre chance d'être congressman américain en faisant passer les projets de loi et lobbyer contre les projets de loi que vous n'aimez pas. Donc, c'est Milton Bradley qui avait confiance en fait que les réglementations gouvernementales et le lobbying seraient un succès dans les jeux vidéo. Mais non, ça n'a pas... non. Ça n'a pas marché pour tout. Mais... Ensuite, connais-tu la sitcom Family Matters? Ça me dit quelque chose, oui. Dans les années 90, avec le personnage célèbre Urkel, donc il y avait son propre jeu de société, Do the Urkel. Donc c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Steve Urkel, dans le jeu, les gens roulaient le dé et performaient quelques trucs basés sur une carte, par exemple renifler, comme faisait souvent Urkel, comme ça. Ouais. Monter ses pantalons, ou sinon danser le Urkel, porter des lunettes bizarres, et bref, un paquet de trucs comme ça. Ensuite, Bigfoot en 1977. Ça me dit quoi? T'as déjà vu ce jeu-là, tu crois? Ouais. C'est possible. Donc, la mascotte, la grosse bibitte épeurante par moment. Donc, c'est une bête, évidemment, ici, qu'on n'a pas utilisé, en fait, le... Il y a différents noms qu'on peut avoir pour Bigfoot, que ce soit oui. Sasquatch, le méchant bonhomme des neiges, ou peu importe. Bref, c'était le principe ici. Bigfoot, avec des morceaux de plastique dans ce jeu-là. The Giant Snow Monster Game. Ensuite, Where's the Beef? On parle ici, encore une fois, d'une tradition américaine. C'était dans une publicité, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais bon, il y avait un personnage dans une publicité qui disait « Where's the beef? » Donc, c'est la campagne de Wendy's, les restaurants Wendy's. L'actrice Claire Peller demandait « Where's the beef? » pendant qu'elle était en ligne ou en queue, peu importe, en file, dans un restaurant qui était autre que Wendy's, en demandant « Mais il est où votre bœuf? Les petites boulettes de bœuf sont bien trop petites. » Donc, le jeu devait se promener ramasser des tranches de bœuf dans ce jeu-là, en 1984. Mmh. Ensuite, un jeu basé sur Tetris en 1989. Tetris a eu plusieurs problèmes de licence à travers les années 80. Donc, Milton Bradley a quand même réussi à sortir une version analogique du classique sur Game Boy. La question est, pourquoi est-ce qu'on voudrait sortir un jeu de Tetris dans la vraie vie? Deux joueurs essayaient d'arranger des morceaux de Tetris, des tétriminaux, à partir du bas jusqu'en haut, dans une période de temps limitée. On pouvait aussi lancer des morceaux dans la direction de ton ennemi, de ton opposant. Et tu peux aussi juste pas jouer à ça si tu veux. C'est Tetris. Tetris. Pas un énorme succès. Ensuite, on va continuer avec des produits discontinués de la part de Coca-Cola et de Pepsi. Ah, d'accord. Mm-hmm. Donc, il y a eu plusieurs produits de Pepsi qu'on a déjà vus dans la vie. Les Pepsi bleus, peu importe, qui n'ont pas eu de succès. Il y en a d'autres à travers les années. Les Pepsi bleus n'ont pas eu de succès, selon toi? Ça a duré combien de temps? 3 mois? Je sais pas, mais ça, dans ma tête, c'est resté quand même assez longtemps. Vraiment pas, non? Non? Vraiment pas. Possible. Ouais, bref, il y a plusieurs produits qui n'ont pas duré trop longtemps et qui sont maintenant discontinués. Donc, commençons par le OK Soda. OK Soda. C'était d'accord. En 1993, on voulait capitaliser sur la génération X. Donc, Sergio Zimen, un gars de marketing, a trouvé l'idée de OK Soda. C'était donc une boisson gazeuse qui était faite pour attirer les gens qui étaient anti-corporate, donc anti-grande compagnie. Évidemment, c'est quand même Coca-Cola qui sortait, mais c'était écrit OK Soda dessus. Donc, il y avait leur campagne de marketing non conventionnelle qui tournait autour de l'idée que les choses allaient bien tourner. Donc, things are going to be OK. Ils ont même engagé des dessinateurs de bande dessinée pour faire leurs canettes et leur publicité. Mais bon, Coca-Cola a fini par tirer la plug après les ventes qui n'ont pas été si bonnes que ça dans la plupart de ses marchés tests en 1995. Et aujourd'hui, on peut trouver des canettes et de l'art qui tourne autour de OK Soda sur eBay pour environ 50$ par canette. Intéressant. Oui. D'ailleurs, Sergio Zimen, qui est le même exécutif qui a eu l'idée de New Coke en 1985, qui était le plus gros flop de l'histoire de Coca-Cola. Ensuite, on a le Lemon Lime Slice. Pepsi a amené donc Lemon Lime Slice pour essayer de compétitionner avec 7-Up et Sprite de Coca-Cola en 1984. Les ventes à l'origine de Slice étaient tellement fortes que Pepsi a amené d'autres saveurs et d'autres variétés, dont aux pommes, punch aux fruits, raisins, fruits de la passion, etc., etc., etc. En 1987, Slice avait 3,2% de la part de marché de la boisson gazeuse aux États-Unis, mais en un petit peu plus d'un an, ça a descendu en bas des 2%. Le problème, c'est que c'était assez cher à produire Coca-Cola. Là, ouais, a été capable de trouver un produit qui lui faisait compétition, en fait, celui qui existe encore aujourd'hui, Minute Maid à l'orange. C'était mm-hmm. une liqueur pétillante. C'était moins cher à produire et les gens préféraient ce goût-là. Certaines variétés de Slice sont toujours disponibles en fontaine aux États-Unis. Le Lemon Lime Slice a été discontinué, remplacé par Sierra Mist de Pepsi en 2003. Ensuite, la boisson Beverly en 1969, Coca-Cola a amené donc un apéritif non alcoolisé, mais avec des bulles pour le marché italien, qui s'appelait Beverly. Les apéritifs sont souvent des breuvages alcooliques qu'on sert avant un repas pour stimuler son appétit, apparemment. J'ai jamais vraiment bu d'apéritif dans ma vie, mais bon. Beverly est resté sur les tablettes pendant 30 ans environ, mais ça a été discontinué quand la compagnie a consolidé ses usines d'embouteillage italiennes en 2009. Si vous voulez y goûter, ce soda sophistiqué est disponible dans plusieurs musées Coca-Cola à travers le monde et à travers les États-Unis, entre autres. Donc, avertissement, on dit que les Américains et les Nord-Américains ne sont pas habitués à son goût un petit peu amer. Donc, ça se pourrait que vous aimiez pas ça tant que ça. Mais elle s'appelle Beverly, donc visitez un musée Coca-Cola pour voir. Il y a plusieurs réactions sur YouTube, d'ailleurs, de gens qui essaient Beverly. Ensuite, Mountain Dew Sport. Après avoir fait des tests en 1989, Pepsi a amené Mountain Dew Sport l'année suivante, donc en 90. Le breuvage était donc une boisson sportive à saveur de Mountain Dew avec seulement 2 calories. Ah. Intéressant. Il y avait aussi une version diète disponible 100 calories, mais rendu là 2 calories ou pas de calories. Ouais, là. C'est ça. Mais bon. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ça vend le mot diète, faut croire. Bref, le même goût à Mountain Dew, nous dit-on. Pepsi a créé Mountain Dew Sport pour compétitionner avec Gatorade, mais ça a été discontinué étant donné les mauvaises ventes en 1991. La même année, la compagnie est revenue avec All Sport, une version reformulée de Mountain Dew Sport, mais sans le nom Mountain Dew. Pepsi l'a vendu pendant les années 90. Par contre, lorsque Pepsi a acheté Gatorade en 2001, ils ont marchandé avec le FTC, la Federal Trade Commission, pour vendre All Sport pour essayer pour augmenter la compétition dans le marché. Voilà, donc ils ont vendu ça à une petite compagnie qui s'est fait acheter par Coca-Cola, qui a fait un deal avec Snapple et Dr. Pepper, qui ont relancé All Sport en 2009. Donc techniquement, on peut toujours acheter du All Sport aux États-Unis, mais ça appartient plus à Pepsi. Wow. Compliqué comme histoire. Hein? Ouais, assez. Ensuite, on y va avec le Coca-Cola C2. Ouais, c'était lors de la folie du faible teneur en glucides et des trucs comme ça. Coca-Cola a acheté Coca-Cola C2, a amené Coca-Cola C2, pardon, au marché japonais, américain et canadien en 2004. Tu vois, je me rappelais pas de ça au Canada du tout, mais en 2004, ça existait. Donc, une boisson gazeuse qui avait la moitié du sucre, des calories et des glucides du Coca-Cola normal. Et pour le vendre, ils ont lancé une campagne publicitaire agressive à la radio et à la télé avec I Want to Break Free de Queen, ainsi que You Can't Always Get What You Want des Rolling Stones. Mais après quelques années de ventes décevantes, Coca-Cola a discontinué ces deux en 2007. Ça a quand même duré 3 ans, c'est quand même pas si mal. J'avais complètement oublié ça, ça avait un blackout total dans ma mémoire, mais Coca-Cola C2. Ensuite, le Pepsi Wild Bunch. À l'été 91, Pepsi a sorti 3 saveurs qui disaient donc améliorer le goût du Pepsi. Pepsi Wild Bunch, donc on essaie de capturer le goût de l'été avec Strawberry Burst, Tropical Chill et Raging Raspberry. Donc fraises, fruits tropicaux et framboises. Un des avantages, par contre, c'est que Pepsi Wild Bunch venait en emballage de 3. Donc si tu voulais seulement une saveur, dommage, t'étais poigné avec les deux autres parce que c'était un de chaque saveur, ouais, tu comprends? C'était disponible dans seulement quelques marchés tests aux États-Unis et ensuite Pepsi a discontinué ça moins d'un an plus tard. J'aurais bien aimé goûter à du Pepsi framboise. Les machines dans les Subway et autres, machines, tu peux créer tes liqueurs. Ouais, c'est ça. C'est bon. Mm-hmm. J'aime ça. Tu sais, mettons, essayer un thé glacé avec du goût d'orange dedans, vanille et orange dans ce thé glacé. Ça fait un thé glacé, vanille et orange, c'est comme super bon. Plein de saveurs à essayer. Ben, vous pouvez essayer de faire peut-être votre propre Pepsi aux fraises vous-même. Ensuite, dans le même genre, le Sprite Remix. Celui-là, je m'en rappelle, c'est en 2003. Coca-Cola a amené Sprite Remix pour donc amener leur boisson gazeuse dans le marché émergent à l'époque du hip-hop et des remix DJ et autres. Donc, c'était similaire à Sprite, mais avec un petit peu plus d'agrumes dedans. Sprite Remix a été disponible en 3 variétés. Tropical, Berry Clear, donc aux petites baies, mais version transparente, et Aruba Jam. Ils ont sorti aussi plusieurs versions Do It Yourself, donc à mixer soi-même. C'est des petits emballages de saveurs qui venaient avec une canette de Sprite normale. Donc, tu avais raisin, vanille et cerise. Sprite Remix a été discontinué à cause des mauvaises ventes en 2005. Mais on dit que dans certains marchés, Sprite Tropical, sans le mot remix, est revenu. On avait parlé d'ailleurs dans une grosse pointe d'adresse à ce moment-là. En effet. Ensuite, ça c'est dans le sud-est des États-Unis en passant, pour ceux qui veulent s'essayer. Ensuite, Pepsi Natural, c'est en 2008 où Pepsi a amené ça. C'était une boisson qui n'avait aucun colorant artificiel, aucune saveur artificielle, aucun agent de conservation, aucun édulcorant, donc artificiel. C'était fabriqué avec de l'eau légèrement pétillante. Il y avait donc des extraits de caramel, de pommes, de noix de cola et du sucre, de la canne de sucre, oui, à la place d'avoir du sirop de maïs. Je pense que l'étiquette était verte. Je crois que là, tu parles de Coca-Cola, de Pepsi... voyons, c'est lequel? Je pense que tu parles de Coca-Cola Life. Ça se peut-tu, ça? La verte? Non, verte... Comme une plante, là. C'est possible. Ah, ben non. Non? C'était brun. Brun? Oh, ben là, hein? C'est normal que ça n'ait pas marché. Alors... C'était très brun. Pepsi Natural était disponible en emballage de 12 bouteilles de vitre. Ah, tu vois, je me suis confondu avec Pepsi True. Pepsi True? je cherchais Life. C'est quoi le Life? Il me semble que c'est vert aussi. Bref. C'est vert aussi. Ouais, ben c'est ça, au Canada, on a Life vert, mais c'est le même vert que l'autre qui est True aux États-Unis. C'est mêlant. Ça dépend du marché, ils choisissent des noms différents. Entre. Bref, je disais Pepsi Natural, disponible en 12 bouteilles, seulement dans les épiceries premium et dans les allées de produits naturels. Pepsi Natural, qui est similaire à Pepsi Raw au Royaume-Uni, a été discontinué en 2010, étant donné les mauvaises ventes. Ensuite, Volt, pour faire compétition avec Mountain Dew de Pepsi, Coca-Cola a commencé à vendre dans les épiceries américaines Volt et d'autres variétés de saveurs en 2005. Donc Volt, c'était un soda aux agrumes, hybride boisson énergisante, qui ciblait les garçons et les jeunes hommes. En 2006, Volt faisait partie du pre-game show de Super Bowl XL, avec plusieurs publicités de télé qui déclaraient que ça goûtait la liqueur, mais ça bottait comme un drink d'énergie. Donc Coca-Cola qui a aussi produit Volt Zero, Grape Volt, Peach Volt et Volt Red Blitz avant de discontinuer ça complètement en 2011. Ensuite, le Diet Pepsi Jazz. Je me rappelle de ce nom-là, mais je me rappelle pas ce que ça goûtait, donc allons voir. C'était en 2006. Diet Pepsi Jazz était une version diète disponible en 3 saveurs. Ah, voilà. Je me rappelle la saveur cerise noire, black cherry. Il y avait French vanilla, vanille française et fraise strawberries. Non, c'est fraise et crème. Ooh. C'est de celui-là que je me rappelle. Oui, et Caramel Cream aussi. Pepsi a annoncé que cette boisson gazeuse-là était le nouveau son du cola dans sa publicité avant de discontinuer la version jazz en 2009. Ensuite, celui-là aussi, je m'en rappelle, peut-être que ça t'a intrigué. À ce moment-là, j'aurais aimé qu'on ait la chronique Une grosse pointe tendresse à l'époque. C'est le Coca-Cola Black. C'était le Coca-Cola qui goûtait le café. Oh là là là là là là! Est-ce que tu te souviens de ça? C'était pour une très très brève période en 2006 où Coca-Cola a fait de nos rêves une réalité en sortant une liqueur à boisson de café Coca-Cola Black, BLAK. Donc la compagnie a travaillé pendant 2 ans pour développer la recette en espérant donc pouvoir entrer dans le marché du café premium. Ils ont officiellement discontinué Coca-Cola Black en 2007, oui, mais ils ont continué à vendre leur stock jusqu'à l'année suivante, ce qui leur restait. Pepsi, de son côté, a vendu Pepsi Kona, qui était aussi à saveur de café, ainsi que Pepsi Cappuccino dans certains marchés test à la fin, dans les années 90. Pour vrai, je donnerais n'importe quoi pour qu'on ramène ça, s'il vous plaît. Mm-hmm. Et pour terminer, celui-là, c'est le plus bizarre de la gang et je suis content que mentalplus.com l'ait gardé pour la fin. C'est le Pepsi AM. Pour capitaliser sur la mode d'utiliser de la liqueur à la place du café le matin. Dans les années 80, Pepsi a sorti Pepsi AM en 1989. Donc une boisson gazeuse qui était faite pour être consommée avec votre déjeuner. Pepsi disait qu'il y avait 28% plus de caféine qu'un Pepsi normal, ce qui est quand même 77% de moins que le café normal. Pepsi AM a été discontinué étant donné les mauvaises ventes en 1990. Coca-Cola, de son côté, a jamais sorti de variété matinale de leur Coca-Cola, mais la compagnie multinationale a commencé à vendre l'idée de boire de la liqueur pour déjeuner avec sa campagne de marketing Coca-Cola in the Morning. C'est fantastique. C'est terrible. Drôle d'idée, ça a aucun sens. Mais bon, on a appris des choses, je pense, dans cette chronique-là. Moi, j'ai bien apprécié. Mm-hmm. Allez voir sur assemblagerequis.com pour plus d'informations. Voilà. On prend une pause. Au retour, Tania, on va continuer ça. Oui. Et vers les 8h, tantôt, dans une vingtaine de minutes, notre ami Andréane Cartier va être là pour parler de Roller Derby 3. Qu'on a hâte. Oui, reste là. Toujours à Assemblage Requiem, ce lundi 25 septembre 2017. Tania Baudin et Mathieu Plante avec vous. Dans quelques instants, on va continuer ça avec d'autres contenus super intéressants. Mais avant, un petit peu de musique, on a besoin. Voici une nouvelle pièce du palmarès anglophone. C'est par Teen Anger. Voici Fun Forgot. À Assemblage Requiem, sur C'est fou. 89.5. Forgot. Oh oui, Party Langer à Assemblage Requis, 7h45. Comme on l'a dit tantôt, on a une invitée à 8h, mais d'ici là, on a du temps, donc on va pouvoir partager nos coups de cœur dans Tu manges mon cœur. Mon cœur, la chronique des coups de cœur des co-animateurs d'Assemblage Requis, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et cette fois-ci, je pense qu'on y est allé un petit peu musical. On est allé vérifier un petit peu dans le backstore de notre Shazam personnel. Des fois, tu tags des chansons, puis ce qui est le fun, c'est que ton compte Shazam, même si tu changes de téléphone comme moi, retient quand même tes affaires. J'aime vraiment ça, ne pas avoir à penser à faire un backup de ça. Bref, moi, de mon côté, je vais commencer, ça ne te dérange pas. Mon premier... Je suis en train de baisser son micro parce qu'il est encore en train de chercher sa toune, ça. Mais bref, moi, j'écoute beaucoup la télé des fois. Je suis avec Belle Fibe. Et Belle remplace les publicités américaines, souvent par les publicités canadiennes. Et des fois, il y a des publicités qui jouent. Puis Colin a des bonnes chansons dedans. Fait que je les shazam des fois. Ouais, je suis même un gars influençable qui aime ça entendre des chansons dans les publicités. des chansons qui ont de l'allure. Ça commence cette fois-ci par une émission qui s'appelle Highway Through Hell sur Discovery. J'ai aucune idée ce que c'est, ça a l'air vraiment mauvais, comme toutes les émissions de Discovery. C'est sûrement une genre de télé-réalité avec des vieux monsieur blancs qui sont sur la route et qui sacrent. Oui. C'est tout le temps la même chose, hein, Discovery. Tout le temps. Toutes leurs émissions sont pareilles, que ce soit Highway Rescue ou peu importe. Pour vrai, la liste des émissions sur leur site, là, Gold Rush, c'est la même chose. Qu'est-ce que t'as, toi? Cold Water Cowboy, c'est la même chose. Deadliest Catch, même affaire. Diesel Brothers, sûrement la même chose. Ils ont que ça, des émissions de vieux monsieur blanc, c'est tout le temps pareil. Mais bref, la chanson qu'il y a là, on va l'écouter sans rien dire de plus. Là, je sais même pas si c'est une chanson connue, je sais même pas si ça a déjà joué dans la vie ailleurs, mais je la trouvais bonne. C'est par Rag & Bone Man. On écoute la pièce Human, puis on se reparle après. Attends. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. So Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. I'm only human, it's all it takes to put the pain on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Human by Rag & Bone Man. Don't put your blame on me. Moi j'aime bien ça quand même. J'aime pas mal ça, même s'il y a 363 millions de views sur YouTube. Il y a sûrement un certain succès. Moi je connaissais pas ça, j'ai jamais entendu ça, puis c'est bon. Bon. C'est très très bon. Voilà. À ton tour, Tania. En fait, moi, c'est une chanson que j'ai connue par un artiste qui est bien connu. Je parle de James Bay, mais je veux surtout vous faire découvrir, en fait, le cover qui a servi dans un film que j'avais chasamé. Ouais. C'est le cover qui a été fait par Moritz Gart, et c'est une chanson, comme je l'ai dit tout à l'heure, de James Bay. C'est « I need the sun to break ». On écoute ça dans « Tu manges mon cœur », la chronique des coups de cœur des animateurs d'Assemblage requis sur C'est fou. I'm halfway gone. Sleepless, I'm battle worn. You're all I want. So bring me the dawn. I need the sun to break. You've opened up my heart. I'm shaking all my luck could change. Been in the dark for weeks. I've realized you all I need. I hope I'm not too late. And I hope I'm not too late. Back off the room. How come my friends already know you? I feel like I can't. Too shy to speak up, so I keep it here. Oh, butterflies, you're still my sleep each night. I need the sun to break. You've opened up my heart. I'm shaking all my luck could change. Break, you've woken up my heart. I'm shaking all my luck could change. Been in the dark for weeks. I've realized you're all I need. I hope I'm not too late. And I hope I'm not too late. Oh yes, I hope I'm not too late. I Need the Sun to Break, originalement de James Bay, mais cette fois c'est un cover de Moritz Gart pour le film Space Between Us. Absolument, un bon choix et je trouve que ça fit avec la mienne. Donc, oui, en effet. Un bon petit bloc musical. T'as-tu qui fit. Ça? Ni vu ni ça. Connu. Ça paraît pas pantoute quand on produit ça à la dernière minute pour du contenu à radio. Non, exactement. On aime ça. Dans quelques instants, on va recevoir, on l'a dit tantôt, on va parler de Roller Derby uh-huh. 3R avec notre amie Andréane. Ça sent bien. Qui va être de retour avec nous enfin à Assemblage Requis dans deux instants. Restez. Toujours à Assemblage Reiki, accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Tu t'es fait un claquement de doigts pour commencer ta take, oui, c'est ça? Exactement. Prise 1! Prise 1! Clac! Allons-y! Andréane Cartier qui est avec nous pour parler de Roller Derby. C'est la deuxième fois qu'elle vient à l'émission, troisième peut-être même. Ouais, je pense que c'est la troisième. Une, on est habitué. Ouais, j'aime ça venir ici. Elle aime ça, puis on aime ça la voir. Elle est habituée d'être à d'autres stations, des fois, pour faire la promotion sur Roller Derby. Ici, elle est comme sûrement impressionnée par le fait qu'on n'a absolument rien préparé ce segment-là. Alors, ça va être le fun, on improvise. On n'a pas de pré-entrevue ici, hein, Andréane? Non. Bref, on parle de Roller Derby 3R, et apparemment, j'entends dire que vous cherchez des personnes badass. Oui, absolument. En fait, on cherche à produire une équipe gars puis une équipe de filles. En ce moment, on est une douzaine, mais on aimerait savoir 20 de chaque côté. Donc... séparé par genre, là, comme dans le bon vieux temps. Mais en fait, non, au niveau de la ligue, au niveau de l'équipe de gars, ça va être mix au début. Ah! Parce que quand on joue en filles, on joue sans filles, mais les gars acceptent la présence des filles. Il faut, j'espère, bien de nos jours. Hein. Mais ouais, c'est ça. En fait, en ce moment, c'est le fun parce qu'on recrute, puis on va sur les pistes cyclables, puis on est plus visible. Mais c'est vraiment drôle à quel point on réalise que les gens connaissent pas le sport. Genre. Mais comment ça qu'ils connaissent pas ça? Il me semble qu'on devrait connaître ça. On en voit des fois dans les films du roller derby. Ouais, mais dans les films. Ça donne pas envie d'en faire, ça. Aux États. Tu cherches du roller derby. Tu penses pas qu'il va y avoir ça à Trois-Rivières. Mais il y en a. Mais il y en a. Exactement. Et depuis quand même assez longtemps, on a parlé il y a quand même. Ça va faire 4 ans que la ligue est implantée à Trois-Rivières, mais on n'a jamais eu d'équipe complète, en fait. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas d'équipe complète? On pratique. C'est un sport qui est très demandant, qui est très tactique. C'est un peu comme le football, il faut pratiquer des jeux. Ben, nous, on pratique des jeux. À un moment donné, quand on va sortir comme équipe, ça va être drôle parce qu'on va avoir vraiment comme un calibre assez élevé quand on va pratiquer beaucoup. C'est ça. Et vous allez pratiquer avec des gars aussi. Oui, on pratique déjà avec des gars. Les plaquer, ça rend plus fort. En ce moment, on a 3 gars dans notre équipe. Fait que... Est-ce que c'est violent? Est-ce qu'il y a beaucoup de blessures? Il n'y a pas beaucoup de blessures, mais en fait, c'est sûr, c'est un sport de contact. Mais souvent, quand on regarde des reportages ou quoi que ce soit, les gens qui se blessent, c'est souvent en pratique parce qu'ils sont comme moins alertes, ils sont plus en train de jouer et avoir du fun. En game, moi, ça m'est jamais arrivé de voir quelqu'un se blesser. Mais c'est sûr, c'est un sport de contact. Ça se peut que quelqu'un. Genre, vole à terre, puis se fasse un petit peu plus mal, puis reviennent pas à la demi. Mais c'est un sport, donc il y a des règles. Exactement. Comment ça fonctionne une partie de roller derby? Une partie de roller derby, c'est les deux équipes en spontané. On va avoir 5 joueurs dans chaque équipe. Nous, on n'a pas de ballon. On a une jammeuse qui est identifiée, qui nettoie son casque. Une jammeuse. Une jammeuse, oui. Moi, je fais la jam, elle amène sa git. Elle amène sa guite. Exactement. C'est très bon. Non, en fait, c'est elle doit dépasser les autres joueurs pour faire des points. Donc, okay. elle fait le nombre de points des gens qu'elle dépasse. C'est comme le vif d'or. Oui, c'est elle ça. Elle a une étoile sur elle. Il y a une ligue universitaire hein, de oui, Quidditch. Je sais. Pour ici, Je sais pas, mais l'UDM en a une. Je sais que Laval aussi en a une. J'ai vu une démo pendant une game de roller derby. J'étais stomaquée. Allez, sport alternatif, on aime ça. Mais oui, c'est ça. Donc, moi, dans le fond, je suis bloqueuse. Donc, j'empêche la jammeuse de l'autre équipe de passer. Tout ça avec des positions, des tactiques, des ruses. La jammeuse en a autant que nous. Puis au final, il y a des scores qui montent, puis l'équipe a gagné. Elle qui a comme le plus passé gagne. OK. Combien ça finit d'habitude, les points? Ça peut facilement monter à 300. 300 points? Montréal, dans le derby, là, c'est tout le temps des sports, des scores genre de fou. Là, je suis comme... Ben, je patine en tabarouette. Ouais, fait que tu dis ça, c'est le nombre de personnes qui a dépassé. Wow. Ah, c'est le nombre de personnes. OK, oui, ouais. je comprends. Fait que c'était assez hallucinant. C'est sûr que, mettons, le roller derby, ça joue tout le temps comme, mettons, sur une heure avec deux demi. Puis c'est des jams de 2 minutes. Donc, c'est l'équipe. Attends, en 2 minutes, elle dépasse 300 personnes, genre? Non, c'est ça. Mais okay. Elle en a dépassé, mettons, 4, 5. OK. Mais par shot de 2 minutes. Puis au final, ça fait la demi. OK. Puis après ça, il y a une pause. Puis souvent, genre, c'est ça qui est drôle parce que c'est un sport qui est très cardio puis très demandant. Fait que la demi, ça joue beaucoup parce que là, tu vas voir les personnes qui ont été le plus sollicitées, qui vont être un peu affaiblies ou non, qui ont développé un cardio de mongol puis sont get on track, spy ready. Fait que c'est le fun. Puis la stratégie aussi, elle va changer parce que dans le temps mort, si on veut, tu le coach va pouvoir comme briefer puis faire. Ouais, c'est ça. OK, cette jammeuse-là, on la laisse pas passer quand elle est là, vous mettez en cette formation-là. Fait que il y a comme un rejeu qui. On rejoue d'une autre manière, je trouve ça le fun. Ouais. Là, tu dis que vous cherchez du monde badass, tu parles du fait que tu étais bloqueuse, l'autre la jammeuse. Quel autre rôle est-ce qu'il y a? Quels gens sont recherchés pour ça? Est-ce que tu peux avoir des personnes qui sont toutes menues et frêles? Oui, moi, ma coach, elle a l'air de peser 90 livres mouillés. Là, c'est... Puis je parlais souvent, genre, j'ai une idole, moi, c'est Tini Fury à Montréal. Je pense qu'elle mesure comme 4 pieds 9. Mm-hmm. Tu sais, elle est tout petite, puis elle se faufile, puis c'est pas. Tu sais, moi, je suis corpulente, là, mais il y a du monde qui sont super petits, puis sont vraiment solides sur leur patin. Il n'y a pas de catégorie physique pour jouer à ça. Parce que dans tous les cas, tu vas te trouver une niche. Tu sais, tu vas être jammeuse, tu vas être bloqueuse, tu vas être bracer. Moi, je suis bracer, fait que je joue à l'envers de la piste. Okay. Je tiens mes collègues quand ils reçoivent l'impact. Okay. C'est plus dangereux encore. Ben, c'est elle qui absorbe les coups. C'est ça. Mais je tiens mon équipe pour qu'elle reste. Fait que tu sais, ça dépend vraiment t'es où. Puis on s'entend, on reste sur patin, on n'est pas sur nos pieds. Fait que tu sais, il y a une différence. C'est... t'es agile, mais tu peux tomber. Fait que ouais, c'est pas ça. La même force physique que quand on se foncerait dedans, toi puis moi, à pied. C'est pas pareil. Quand on va le faire. C'est pas une question de si on va le faire, c'est quand est-ce qu'on va le faire. Mettre à terre. Est-ce qu'on joue avec des patins à quatre roues, genre? Mmh. Exactement. Tu sais, là, deux en avant, deux en arrière? Oui, souvent on va dire les vieux patins, les patins rétro. Oui, c'est ça, exact. Malade. Vintage. Est-ce que vous vous procurez des patins vintage dans les... dans les boutiques vintage, où est-ce que vous trouvez ça, des vieux patins? Il y a beaucoup de... Il y a un magasin à Montréal. Okay. Sinon, moi, j'ai commandé en ligne à rollergirl.ca. Oh, ouais. Puis il y a plein de starter kits qui sont comme des kits complets pour les joueuses. Tu sais, pour avoir tout le gear les de protection, cool, exactement. Mm-hmm. Juste pas le truc buccal. Et pourquoi un truc buccal? Pour pas que t'aies un mâchoire à frappe, pour pas que t'aies de commotion cérébrale. OK. Puis protéger tes dents. Pour ceux qui n'ont pas envie d'en avoir. Si t'en veux une, tu peux ne pas porter. Mais c'est vraiment cool. Pour vrai, genre, moi, je joue à ça, puis j'ai pas peur. Je suis tellement guéré. Ça fait pas mal. Moi, j'ai souvent tombé, puis tu tombes sur le coude, tu tombes sur les fesses, tout quoi, puis tu te relèves, puis juste comme, ah, c'est drôle, tu sais. Ouais. T'as trop de. J'ai jamais été autant protégé avec des protections de ma vie. Fait qu'on. Des fois, justement, on se challenge, puis on se donne des. On s'énerve un peu, là. Ouais. Pis... Ah ben, les... c'est de même. Ça joue rough. Non, mais t'as pas peur de te faire mal. T'sais, ta collègue, elle est comme toute soutée. T'es là, salut. C'est ouais, ça. C'est vrai. Je te rentre dedans. Si, mettons, t'en as pas de patin et que tu veux vraiment t'inscrire au roller derby, tu veux t'informer là-dessus, tu fais quoi? En fait, nous, on a acheté une vieille flotte de patins rétro à la bottine, mm-hmm. le Dominion. Mm-hmm. Donc, les gens peuvent essayer. On a plein de sortes de grandeurs. Fait qu'on. Pour essayer de faciliter l'initiation, si on veut. Sinon, nous autres, on est vraiment. Très gentil comme ligue. Là, fait que souvent, on va dessouter puis on va le prêter à la personne. On fait comme, tu portes combien? Myriam, viens ici. Puis là, on... Fait que là, on va jouer sans costume. Genre. Non, mais on fait juste essayer, en fait. Okay. Parce que c'est sûr que, nous autres, quand on va commencer notre... Là, on est en off-season. Okay. Quand on va commencer en novembre, on va être plus sérieux. Fait que on veut vraiment que tout le monde soit souté. Mais rien qui nous empêche de, hey, tu veux te venir un petit peu avant, on va te faire essayer. Puis si t'aimes ça, on peut te prêter certains équipements. Mais oui, c'est sûr qu'on va... aller vers essayer de t'équiper. Ouais. Il y a des sites de revente sur Facebook, il y a Kijiji aussi. Il y a pas... Mettons, une fille tombe enceinte, elle veut plus faire de roller, mm-hmm. mais elle vend son kit au complet. Fait qu'il y a plein de bons deals, si on veut, sur les internets. Mm-hmm. Sinon, en général, 999, moi, je me suis équipé pour 300$. Ah, pas super. Toutes. Casque, toutes. Ouais. Tu as parlé de la saison commençant en novembre. Ça se passe comment, une saison? Sur quelle échelle de longueur? Tu vois, nous autres, on copie les autres lignes. Donc, de novembre à août, on est comme... Mais t'as pas juste copié si tu veux pouvoir jouer contre d'autres lignes, je me sens. Ouais. Mais c'est ça, on n'a pas encore fait de vrais affrontements que ça parce qu'on n'a pas une équipe complète. Sauf que qu'est-ce qu'on fait, c'est que nos meilleurs, on les envoie jouer dans d'autres équipes okay. où il y a des manques de joueuses. Donc, on a plusieurs de nos filles qui sont allées jouer dans la Ligue mixte de Montréal. On a aussi assisté les sirènes de Chicoutimi. Je me rappelle plus la ville. les sirènes. Sherbrooke a une grosse ligue vraiment forte. Québec aussi, c'est les casse-gueules. Fait que dans le fond, nous. Les casse-gueules. OK, parce que casse-gueules, ça aurait été malade. Ça aurait été malade, hein? Jeu de mots, mais c'est pas francophone. Fait que je pense qu'il y aurait pas. Mais ouais. Sauf qu'au début, qu'est-ce qu'on va faire la première année? Ça va être sûrement des scrimmages qui sont des. Des joutes amicales. T'sais, on va inviter Sherbrooke à venir jouer contre okay, nous. Ouais. Un moment donné, quand notre ligue va être vraiment formée avec nos deux équipes, là, on va pouvoir faire des tournois. Ou... Ben, peut-être, oui. Mais en ce moment, tu vois, il y a comme deux grands événements au roller à chaque année. C'est le Beast of the East. C'est comme un tournoi où que tout le monde peut s'inscrire. Il n'y a pas okay. de... Mais c'est qu'il y a vraiment des bonnes équipes qui s'inscrivent, puis des équipes débutantes. Puis des fois, ça crée des genres de... Ils ont gagné, quoi? Puis il y a le Fresh Meat de Toronto aussi, qui est le tournoi de... Fresh meat, ça veut dire les nouvelles. Nous autres, on appelle ça de même, c'est de la viande fraîche. Là. Fait que c'est le fresh meat, c'est le tournoi des nouvelles. Fait que c'est un an et moins d'expérience qui peuvent participer. Mm-hmm. Nous autres, on a envoyé trois joueurs cette année. On était bien énervés. Ils ont gagné leurs deux premières. Oh my God! Bim! Bim! C'est un nouvel effet sonore, ça, Bim. T'as Batman, là, t'sais, tout Bim! Est-ce qu'il y a d'autres sortes de roller derby? Est-ce qu'il y a du roller derby sur glace? Ça s'appelle du hockey. Ouais, non, mais de se foncer dedans puis de voir. Je le sais donc pas, hein. C'est une bonne question. Je sais qu'il y a un engouement. Je vois beaucoup de vidéos sur Internet. Mm-hmm. Des gens qui vont dans les skateparks faire des figures, comme à l'époque. Ouais. Ça fait des vidéos vraiment super intéressantes à regarder. Nous, on est allés s'entraîner au Puzzle, le skatepark de Trois-Rivières. Je suis tombée sur le cul plus souvent que d'autrement. Mais ma coach était vraiment bonne, elle faisait des moves à jumper. Moi, j'étais OK, je suis pas rendue. Ça, c'est là. Celle de 90 Ouais, c'est ça. Ouais, c'est celle-là, mais elle est tellement impressionnante. Puis c'est ça, tu sais, je veux pas d'aller dans des milieux comme ça. Pour nous, attends, les rollers de Big Girl. Les ça nous aide à, genre, voir un peu notre corps à travers le patin et tout mm-hmm. ça. De se déphaser, d'être juste comme en train de tourner en rond, d'être dans des pistes, puis descendre, ça, ça aide à l'agilité, puis ça nous aide vraiment à devenir des meilleurs patineurs. Oui, ben, je pense que oui, sûrement. Clairement. Donc, votre soirée, c'est le 29 septembre. Comment ça fonctionne? Tout ça, c'est entre 18h et 23h. Oui, en fait, c'est ce qu'on voulait, à chaque fois qu'on parle de ça, mettons, on va dans des... Cet été, on a fait... quand il y avait des festivals à Trois-Rivières, on y allait en patin, on distribuait des cartes, tout ça. Sauf que, tu sais, des fois, les gens sont en train de manger quelque chose ou en train de faire d'autres choses que nous écouter parler. Fait qu'on a voulu comme centrer nos efforts dans une soirée où que tout le monde peut venir. Donc, informer les gens, tout ça. Nous, on va avoir lavé notre équipement, il va sentir bon. Si les gens veulent l'essayer... Ouais, non, mais tu veux dire, c'est comme le hockey, là. C'est mouillé puis ça pue des fois. Ça sent le vestiaire. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis propre. Oh oui. Mais fait que c'est ça. Fait qu'on va avoir lavé notre équipement, on va avoir, on va pouvoir répondre aux questions, on va projeter des tournois de l'international, là, parce qu'à l'international, ça se joue gros. Il y en a partout de ça, là, c'est pas juste absolument. Ici. Ouais, nous, notre équipe à Montréal, c'est l'équipe comme du Canada, est vraiment, vraiment bonne. C'est les Sexpos. Pas les Sexpos, c'est les News Kids. Les News Kids. Ouais, News ça, Kids, comme ouais, dans ça les joue skids. Avec les News Kids of the Block. C'est malade. C'est hot. Ouais, c'est le fun. Oh. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est juste pour vraiment avoir le temps de prendre du temps avec les gens pour informer. Parce que, comme je vous ai dit, tu sais, nous, on recrute, mais on recrute pour un sport que les gens sont pas conscients que ça existe. Fait que c'est ça, tes projections de films, le film Whip It avec Drew Barrymore. Ah, cool. Mais ça, c'est pas vraiment notre réalité parce que c'est la pente inclinée. Nous autres, on est en flat track. Mais quand tu veux chercher un film qui parle de Ron Ruby, t'en as pas mal. Sauf que ça donne beaucoup de mérite aux années, mettons, 70, où c'était des coups de coude. Exact. Tout ça, tandis que c'est vraiment pas l'imagerie qu'on aimerait. C'est pas ça le sport aujourd'hui. Mais bon, ça aide au moins les gens à savoir que c'est un sport d'équipe avec des patins. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. C'est la base. C'est ça, ça aide. Puis que Drew Barrymore, elle aime ça. Ouais, puis Ellen Page. Ils sont toutes bien cool. Ellen Page est malade. Ouais, mais c'est ça. Fait que là, on va projeter des films, on va répondre aux questions. Si les gens veulent essayer le gear, on va en prêter. On va jaser, on va échanger. Mm-hmm. Puis au pire, ça, je dis aux gens... Ben, si tu veux être ma future fan, tu peux venir rencontrer l'équipe. Oui. Ben oui. Parce que Mané, vous allez venir nous encourager. Donc, vous recrutez pour ce que vous appelez le bataillon 819. Yes. Aucune expérience nécessaire. On peut se procurer... en fait, il n'y a pas de billet pour ça. On fait pas juste se présenter sur place. Comment on fait ça? Non, vous venez juste à la boutique Pure Vintage sur 1539 Notre-Dame. Mm-hmm, mm-hmm. Puis nous, on répond aux questions. En fait, il va y avoir des joueuses présentes, puis on... Pour nous, c'est comme un genre de petit party, là, mais pour vous, c'est genre de venir s'informer, avec prendre le temps de bien parler du sport, puis dans une atmosphère jolie, parce que c'est une belle boutique. Faut être majeur, faut le dire, aussi. Oui. Ouais. Mais sinon, tu peux te pratiquer avec nous avec une dérogation de tes parents, mais t'auras pas le droit de jouer légalement au sport. OK. Parce qu'on en a une qui a 16 ans, mais... Elle fait juste pratiquer. Ouais, elle a pas le droit de jouer. C'est le fun. Donc, je joue pas, comme fait ça. Que c'est pas grave. Ben, t'as encore 2 ans, puis tu vas devenir bonne, dans 2 ans, tu vas être parfaite. Mais Montréal, ils ont une ligue de mineurs. Fait qu'imaginez, tu joues mineur, puis après ça, tu vas dans les vraies lignes. Et... L'entraînement que t'as, et... nous, on peut pas récupérer cet entraînement-là. Ben non, c'est fou, là. Mm-hmm. T'es comme prête. Il y a une vidéo aussi de disponible sur la page Facebook, si vous voulez aller voir. T'étais au Téléjournal Extra dans les dernières semaines, donc on peut te voir. On était au Dôme de Saint-Grégoire sur de l'asphalte, ça faisait peur. Malade! À radio, on peut pas faire ça. Non. Malheureusement, on a juste Andréane en studio, mais c'est pas grave. Sinon, maintenant qu'on a parlé du Roller Derby 3R, qui est encore une fois le 29 septembre, vendredi, qui s'en vient juste là. Sinon, t'es aussi en art plastique. Oui. Est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau qu'on pourrait mentionner? En fait, cette année, on va refaire l'expo Bénéfice, ou Bénéfique, du 4 au 10 décembre. Donc, venez, ça va être vraiment le fun. C'est en fait des participations étudiantes, des participations professionnelles. C'est toutes des œuvres qui sont à vendre avec un certain pourcentage pour faire une bourse. Mmh. Sinon, l'événement que j'ai fait l'année passée, Caméa, a récurrence cette année. Hey, ça se peut, j'ai gagné. Succès, du succès sur toute la ligne. Hey, c'est devenu un cours. Oui, il y a une prof qui a fait réouvrir un vieux cours qui se donnait plus, art et sciences, puis on copie le modèle qu'on avait créé pour l'expo Caméa, ben, et c'est un cours. C'est dans un cool. Félicitations. Elle gagne tout. Gagner du terrain à l'université, c'est fun. Donc, en décembre, ça veut dire qu'on va pouvoir en reparler avec toi parce que tu vas être réinvité, bien sûr, à l'émission clairement. Quand tu veux. Je vais vous bombarder d'informations sur notre super expo. C'est ça. Donc, 29 septembre, vendredi, pour le bataillon 819 du Roller Derby 3R. Merci, Andréane Cartier. Merci à vous. Super cool. Nous, bon, on continue en musique, on va laisser entendre une pièce. J'aurais aimé ça avoir une pièce qui a rapport avec le rollerblade, mais tu sais. Hein? C'est un peu comme les films. N'a pas bien, bien. Une tonne de NoFX. Est-ce que tu mets au défi de mettre une tonne de NoFX? Il faut que tu me dises laquelle, par contre. Here I'm all the bag. Comment the bag? The bag. The bag? Ouais, c'est ça. C'est juste ça, the bag. OK. Here I'm all the bag. Ouais, ouais, on va écouter ça. The bag, NoFX, pourquoi pas? Non, mais je veux dire, on s'empêchera pas de vivre. C'est ça, NoFX. À son âge. Bon matin. Everything needs a gun, it's in organic shut up, but not ain't right. We'll see who's left holding the bag. The Bag par NoFX, Assemblage Requis, suggestion d'Andréane Cartier, bien sûr, notre fan de roller derby. Et on vous rappelle que la soirée a lieu le vendredi 29 septembre à la boutique Pure Vintage sur Notre-Dame-Centre, Trois-Rivières. C'est pour les 18+. Maintenant, Tania, divertis-nous quelques instants. Certainement. Alors, Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain you. On a encore pas fermé la porte, fait que sûrement que l'université au complet se plaint de mon chant ce matin. Mon chant de non-expertise. Peut-être. Donc, Tania, on commence. En fait, on a deux chroniques aujourd'hui. On commence avec des applications. Hein. Oui, certainement. En fait, je vais vous parler d'applications qui vont peut-être changer votre vie. Là. On parle pas de... Écoute, on parle pas de Facebook, on parle pas d'Instagram, ni de Snapchat, encore moins de Candy Crush. Savais-tu qu'il y a une application où tu peux jouer au trou de cul, tu sais, le jeu de cartes? Pour là. Vrai? Moi, je savais pas ça, j'ai appris ça en faisant mes recherches. Y a-tu 52 ramasses? Y a-tu ça? Sur, je sais pas, hein? Mais il existe vraiment une panoplie d'applications pour soit Android ou encore Apple. Mais il y en a qui sont beaucoup plus utiles que d'autres et il y en a qui sont très, très diverses. On a creusé un petit peu et j'ai des applications pour les jeunes adultes et aussi pour les étudiants. Donc, vous allez voir, peut-être que vous allez triper sur une application quelconque si vous n'êtes point un jeune adulte ou une jeune adulte et vous allez vouloir quand même la télécharger. C'est à votre guise, hein? Moi, je dis ça, mais je dis rien. C'est ça, exactement. La première, c'est Asana ou Asana. Ça s'écrit A-S-A-N-A. En fait, il s'agit d'une application pour faciliter les travaux d'équipe. Donc là, c'est sûr que si vous êtes, vous êtes plus à l'université, vous êtes plus aux études, c'est un petit peu moins le fun d'avoir cette application-là dans votre téléphone. Mais par exemple, si vous avez des projets qui impliquent plusieurs personnes ou tout simplement pour lister un peu n'importe quoi, bien c'est l'application qui fait référence à tout ça. Le principe est simple. En fait, on veut créer un projet, on va y ajouter des tâches qui doivent être associées à ce projet-là. Et si, par exemple, c'est pour un travail d'équipe, bien, on peut assigner chacune des tâches à une personne de l'équipe en particulier. Donc, c'est facile. Ça fonctionne avec des adresses courriel des participants. Et par la suite, on peut ajouter aussi une date d'échéance pour chaque tâche. On peut cocher lorsque c'est complété. Et c'est aussi possible d'avoir des conversations de groupe sur cette application-là. Donc, pour utiliser cette application-là, on peut les utiliser, par exemple, pour des listes d'épicerie. Lorsqu'on va aller à l'épicerie, on va cocher lorsqu'on va avoir trouvé ce qu'on cherchait, ce qu'on aime par-dessus tout, par exemple, et ce qui est possible de conserver sur les listes. Et c'est aussi possible de conserver les listes que vous allez faire sur cette application-là. Donc, si vous avez tout le temps la même liste d'épicerie, là, on peut y retourner. Ben, vous pouvez y retourner. Vous pouvez recocher par la suite. Tout simplement changer la date d'échéance à laquelle ça va devoir prendre fin, puis vous allez pouvoir conserver cette fameuse petite liste-là. Donc, je vous répète, c'est Asana, A-S-A-N-A. C'est pour faire des listes, c'est pour compléter des tâches. Donc, si jamais vous avez des projets d'école, projets d'équipe ou tout simplement pour votre épicerie, c'est A1 pour ça. Génial. La prochaine, c'est AppBlock. Je ne sais pas si tu connais ça, Mathieu. Toi, fier connaisseur de tout ce qui est Apple. Ouais. C'est une fabuleuse application, je dois le dire. Je vais probablement la télécharger dans les prochaines minutes après l'émission. En gros, c'est pour bloquer l'accès à certaines applications pour une durée de temps déterminée. Ah, ben oui! Hey, on aime-tu pas ça? C'est également possible aussi de bloquer les notifications, par exemple, lorsque vous êtes en cours ou lorsque vous êtes en train de faire vos devoirs ou si jamais votre mère veut que vous fassiez votre chambre ou vous dites « Bon, là, je me tape le ménage. » Moi, là, ma période de ménage, je procrastine sur mon téléphone comme ça n'a pas de bon sens. Bien là, vous pouvez bloquer n'importe quelle application que vous avez sur votre cellulaire grâce à cette application-là. Donc, vous pouvez aussi mettre l'option de débloquer jusqu'à ce que vous rebranchiez votre appareil sur la charge, par exemple. Et si vous êtes du genre à sortir votre téléphone pendant vos cours, mais que vous ne savez pas trop pourquoi vous le faites, c'est la solution à tout ce que vous allez faire pendant ce temps-là. Vous allez mettre une durée sur le blocage des applications et quand vous allez bloquer les applications et les notifications, mais ça vous permet de vous concentrer à 100% sur la tâche que vous êtes en train d'accomplir. Alors, c'est merveilleux pour justement les gens qui aiment procrastiner sur leur téléphone ou encore les gens qui ont tout simplement de la difficulté à se concentrer. Pas nécessairement procrastiner, mais parfois, tu sais, on est tout le temps un petit peu... mener un petit déficit d'attention. Ouais, c'est ça. À éliminer notre doigt, là, à savoir quelle heure qui est, mais tu regardes 42 ouais, fois. Ouais, c'est assez facile à faire. C'est ça. Malheureusement, je suis déçu d'apprendre qu'il n'est pas sur iOS, seulement sur Android, mais il y a des équivalents, il me semble, sur iOS. Oui, exactement. Par la suite, c'est Flip, F-L-I-P-P. Oui. Si vous ne connaissez pas ça encore et que vous lisez le circulaire, tu sais, le fameux... Les morceaux de papier, là. C'est ça, les morceaux de papier, là. Je finis sur recyclage. Exactement. Bien... 10 secondes. Écoute, il n'y a rien de mal à lire le papier, mais vous allez sûrement apprécier cette application-là. En fait, ça regroupe tous les circulaires des épiceries, tous les circulaires des magasins à rayons, les pharmacies. On parle de tout ce qu'il y a à peu près dans le monde, en tout cas. Au Québec, là, vous allez pouvoir retrouver pas mal tout ce qui se trouve autour de vous et vous allez utiliser la géolocalisation. Donc, vous allez pouvoir sélectionner sur, par exemple, votre épicerie qui vous intéresse le plus ou la circulaire qui vous intéresse le plus. Vous allez même chercher par item ou par aliment. Et lorsque vous allez cliquer sur, par exemple, les clémentines qui sont en spécial chez, je sais pas moi, Metro, bien, ça s'enregistre automatiquement dans votre liste d'achat. Donc, il y a une foule de coupons rabais. Ça va vous faire sentir un petit peu comme les madames dans l'émission de couponing là, à Canal Vie. Exactement. Vous allez peut-être vous sentir comme ça, mais c'est pas mal plus high-tech. Économiser de l'argent, c'est qui va dire non ben, à ça? Tu sais, vous allez économiser de l'argent puis vous allez avoir l'air un petit peu moins niaiseux d'arriver avec votre application au lieu d'arriver avec vos 142 coupons tout à caisse. Je suis pas mal sûre que la petite fille, elle préfère scanner votre téléphone que prendre vos 142 coupons pour les rentrer j'oublie à main. Tout le temps. Par contre, sur les applications comme Métro, justement, je suis un grand fan de Métro avec les petits points qui t'accumulent. J'oublie tout le temps que je peux ajouter mes coupons avant d'arriver à la caisse. Fait que là, arrivé à la caisse, la fille me dit bonjour, je suis en train de cocher mes coupons. Je fais comme oui, bonjour, bonjour, bonjour. J'ai jamais le temps de le faire avant la c'est fin. Vrai. Puis la fille, elle m'a demandé à me chicaner, elle m'a dit pas vrai? Tu peux le faire avant d'arriver à la caisse, dans une rangée avant. Ouais, mais là, je veux mes rabais. J'ai pas pensé. Je pense à acheter mes affaires, je pense pas à aller cocher des coupons. T'sais. Ouais. Je te comprends, mais faut le faire. Ouais, il faut y penser. Prendre l'habitude. Oh oui, tout à fait. Si vous avez de la difficulté un petit peu à vous faire à manger, bien peut-être que ça va être une solution pour vous. C'est l'application Frigo Magique, donc F-R-I-G-O-M-A-G-I-C. Le nom pourrait être mieux, on le sait, mais ça dit tout quand même. C'est un peu magique comme application. En fait, vous allez cocher tout simplement les aliments qui sont présents dans votre réfrigérateur et ceux qui sont présentés aussi qui indiquent que votre aliment se retrouve dans votre frigo ou dans votre garde-manger, comme par exemple jamais que j'ai de la farine. Mm-hmm. Donc, vous allez cocher jamais. Si vous êtes du genre à tout le temps avoir de la sauce à spaghetti, vous allez marquer toujours. OK, vous comprenez le principe un petit peu. Et ensuite, l'application va lister tous les aliments et vous allez avoir juste à cliquer sur un d'entre eux et puis vous allez avoir une liste de recettes que l'application va vous sortir pour avoir quelques idées de vous faire à manger. Et c'est quand même vraiment pratique, surtout si vous faites, par exemple, trois repas et que vous êtes tanné de manger des ramen ou de manger de la soupe. Bien, c'est un petit peu la solution à tout ce que vous pouvez avoir. Donc, si vous êtes genre à avoir tout le temps du riz dans votre garde-manger ou si vous êtes du genre à tout le temps avoir du poulet dans votre congélateur ou dans votre réfrigérateur, bien, ça va vous sortir vraiment là, une panoplie de ce que vous pouvez faire comme recette avec ces aliments-là qui se retrouvent soit toujours, parfois ou jamais dans votre garde-manger. C'est sûr que si vous allez chercher un aliment qui se retrouve dans la liste du jamais, assurez-vous d'aller l'acheter d'abord. Mais sinon, si vous êtes toujours accroché à un aliment en particulier, là, vous allez avoir vraiment beaucoup de choix de ce que vous pouvez vous faire de différent comme repas sur une semaine complète. Ça vaut la peine de l'essayer. Tout à fait. Par la suite, une application qui doit honnêtement être beaucoup plus utilisée à Montréal que dans les autres villes, mais je vous la propose pareil, c'est Transit, T-R-A-N-S-I-T. Donc si vous... Chaque jour de ma vie, je utilise Transit. C'est ça. Si vous prenez l'autobus pour vous rendre un peu partout, mais c'est une application qui est une perle, vous n'aurez plus vraiment besoin d'utiliser Google Maps, vous allez tout simplement utiliser Transit. Pour faire court, l'application, ça va vous montrer les trajets d'autobus les plus proches, l'heure de passage des autobus. Si vous êtes à Montréal, Montréal, vous allez pouvoir avoir les métros aussi. Donc, vous pouvez comparer les moyens de transport que vous allez utiliser. Vous allez pouvoir calculer combien de temps vos transferts vont vous prendre, combien de temps ça va vous prendre de vous rendre au point A, au point B. Et c'est très facile, c'est super efficace. Peu importe où vous allez vous trouver, ou presque. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes dans le métro, ça se peut que, tu sais, ça pogne pas, là. Mm-hmm. Faites attention. Ouais. Mais assurez-vous d'aller voir, avant de rentrer dans le métro, qu'est-ce qui va se passer à, par exemple, votre prochain arrêt pour voir le transit par la suite dans l'autobus et tout ça. Donc, c'est quelques petites applications que je trouvais qui étaient quand même assez importantes à connaître pour les jeunes adultes ou les jeunes étudiants, mais j'en ai d'autres. C'est pas terminé. OK, non. Ceux-là, ce sont vraiment mes coups de cœur que j'ai découverts puis qui font en sorte que je vais peut-être me lancer dans ça d'ici pas longtemps. La première, en fait, c'est ClassFeed. Vous pouvez vous rendre sur un site internet aussi, c'est classfeed.ca, mais sachez à la base que c'est une application. On se dit parfois que d'étudier à l'université ou d'étudier au cégep, c'est compliqué, on prend des notes, on n'est jamais bien, bien sûr qu'on prend le même genre de notes que la personne à côté de nous, tout dépendant de ce que nous on veut retenir. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans la même situation que nous, qui savent pas trop ce qu'ils auraient dû mettre en application dans leurs notes ou non. Eh bien, classfeed.ca, c'est une application pour un échange de notes universitaires ou collégiales ou cégepiennes, peu importe. C'est tout ce qui englobe le après-secondaire. Sachez-le, là, vous ne pouvez pas aller sur cette application-là si c'est pour le secondaire, mais vous pouvez acheter des notes et vous pouvez vendre vos notes de cours. Donc, c'est vraiment interuniversitaire, c'est à la grandeur du Canada. Il y en a aussi aux États-Unis. Et de la façon que ça fonctionne, c'est vraiment très, très simple. C'est que vous allez devoir vous créer un compte, bien évidemment. Vous allez devoir commencer à vendre vos notes de cours. C'est vous qui allez choisir, en fait, un petit peu le prix. Et ça peut quasiment devenir une job... Là, je le mets vraiment entre guillemets, une job étudiante. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont s'appliquer pour prendre d'excellentes notes de cours dans tous leurs cours. Et par la suite, elles vont les mettre à vendre sur cette application-là. Et ils vont pouvoir se faire de l'argent de cette façon-là. Donc, c'est bien fait, c'est bien reçu aussi de la part des gens qui l'utilisent. Sachez qu'à la base, c'est québécois. Ça a été annoncé dans plusieurs congrès aussi d'éducation et tout ça. Donc, vous allez pouvoir commencer à tout simplement améliorer vos notes, vos résultats en faisant certains échanges de notes avec des gens qui se retrouvent un petit peu partout. Vous allez peut-être vous retrouver avec quelqu'un dans votre cours qui est déjà inscrit sur ce site Internet-là et qui peut vous transférer certaines notes de cours. Vous allez tout simplement les acheter. Alors, vous allez voir. Et 10% des notes vous assurent que vous allez avoir... ce dont vous avez besoin. Donc, dans ces notes de cours-là qui se retrouvent sur le site Internet, il y a 10% des gens qui disent que, ouais, vraiment, là, ces notes-là, ça m'a aidé. C'est excellent. Et vous allez pouvoir chercher selon votre cours, selon votre école, selon des mots-clés. Donc, c'est vraiment très, très bien filtré, vous allez voir. Et une fois que vous avez sélectionné les notes que vous voulez, par exemple, acheter, bien, vous allez les placer sur soit une carte ou sur votre tableau, là, sur votre Internet ou votre téléphone. Et vous allez pouvoir tout le temps cliquer dessus. Donc, vous allez pouvoir tout le temps étudier, peu importe où vous êtes. Cool. C'est merveilleux pour ça. Par la suite, un autre pour les jeunes étudiants ou les jeunes adultes, c'est Academos. Qu'est-ce que Academos? En fait, ça, c'est québécois et c'est tout simplement pour aider les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail. On le sait, on le dit depuis pas mal de début, ouais, c'est ça, que c'est assez difficile pour les jeunes d'aujourd'hui de commencer à travailler parce que, bon, ça c'est pas trop clair ce qui se passe. Les milléniaux aiment pas nécessairement faire toutes les tâches qu'on leur demande. Alors, on les amène à concrétiser leur projet de vie professionnelle. On va contrer le décrochage scolaire, on va améliorer le taux de diplomation et on va préparer la relève à la vie dans le monde du travail. tout ça grâce à cette application-là. Donc, il y a plus de 100 partenaires des milieux des affaires, du milieu scolaire, du milieu communautaire qui collaborent à ce projet-là. Entre autres, on va appuyer le recrutement de bénévoles. On va aussi soutenir de façon financière le développement de l'organisation. Et c'est un réseau social où les jeunes peuvent justement avoir sur leur mobile, leur téléphone cellulaire ou leur tablette. Donc, on peut dialoguer avec, par exemple, des mentors qui exercent le métier qu'ils veulent faire. On peut jaser avec des étudiants du domaine qu'on espère avoir, par exemple, à l'université. On parle d'établissements scolaires, des entreprises. Donc, on parle de partage d'intérêts par rapport à un sujet commun qui est sensiblement visé sur le monde du travail ou encore le monde de l'école. Et on développe notre plein potentiel pour bien préparer notre avenir en accomplissant justement des missions qui vont nous être attribuées en fonction de notre cheminement. Il y a un document corporatif si jamais vous êtes une entreprise ou une école ou peu importe et vous écoutez, vous entendez ça et vous voulez participer, bien sachez que vous pouvez aller voir sur le site internet, c'est très très bien expliqué, vous allez pouvoir participer en tant que collaborateur. Et bien évidemment, bien, on cherche à contribuer à ce que chacun de nous ou chacun des jeunes qui va participer à cette application-là soit heureux au travail. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça va connecter les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail. On va concrétiser les projets de vie. On va essayer de rendre notre société un petit peu plus éduquée, un petit peu plus qualifiée. Et vous allez voir, on a vu cette application-là dans plusieurs colloques aussi, dans plusieurs congrès de l'éducation au Québec surtout, et c'est appuyé par le gouvernement du Québec, par Alcoa. Donc, c'est vraiment très bien structuré, c'est vraiment très bien reçu aussi de la part des jeunes. Il y a beaucoup de témoignages sur le site Internet qui dit que ça les a aidés à pouvoir justement être mentorés ou à être dirigés vers le bon sujet d'études pour l'université ou le collégial. Et il y a plusieurs stats, là, bien évidemment. Parce que c'est un projet pilote à la base. C'est une application qui sert justement à pouvoir faire valoir un petit peu plus l'éducation et le travail pour nos jeunes au Québec. Donc, c'est gros comme site Internet, mais si vous voulez vous inscrire, c'est vraiment facile. Vous allez sur votre téléphone et vous téléchargez Academos, donc A-C-A-D-E-M-O-S. Et comme ça, vous allez avoir la possibilité de voir les emplois ou les écoles si vous avez entre 14 et 30 ans. Voilà. Les liens sont sur les notes de l'émission aussi sur assemblagerequis.com, oui, si ça vous intéresse. Tout à fait. Par la suite, ma dernière application, pardon, ça va probablement sauver la vie à plusieurs personnes, du moins... Ça va sauver la mienne. Okay. Parce que si vous êtes genre à pas faire comme Mathieu, puis aller vous chercher le nouveau téléphone qui vient tout juste de sortir avant même que le vôtre commence à mourir, vous allez vous rendre compte assez facilement que votre batterie va avoir une durée de vie pas mal moindre. Mm-hmm. C'est-à-dire que votre batterie va mourir beaucoup plus facilement sur votre vieux téléphone que si vous aviez un téléphone beaucoup plus récent. L'application que je veux vous proposer, en fait, ça s'appelle Du Battery Saver, D-U, Battery, en anglais, Saver. Donc, c'est la meilleure application pour optimiser la batterie. La plupart des gens passent en moyenne 4 à 5 heures de leur journée sur leur téléphone intelligent. Et pour ceux qui ont un problème avec leur batterie, bien, la frustration est quand même assez quotidienne. C'est vraiment plate de voir qu'il vous reste juste 5 % de batterie à midi quand vous avez commencé votre journée à 7 heures. Et on le sait tous, là, le truc de fermer toutes les applications qu'on a déjà ouvertes. Mais parfois, malheureusement, la batterie fonctionne pas pareil. Elle s'auto-détruit de façon extrêmement rapide. C'est inquiétant. Donc, Du Battery Saver, c'est une application qui est conçue pour gérer et optimiser votre batterie. Donc, c'est une application qui va rendre votre batterie beaucoup plus fiable sur le long terme. Ça vous propose 3 options de configuration pour les utilisateurs. Donc, par exemple, vous allez avoir le mode général, vous allez avoir le mode veille prolongée et le mode veille. Le point fort de cette application-là, en fait, c'est sa capacité à détecter les applications qui vident tranquillement votre batterie sans nécessairement que vous le remarquiez. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir à attendre Vous n'avez plus besoin de vous dire « Oh non, j'ai plus une batterie ». Tout simplement, téléchargez cette application-là, choisissez le plan de configuration que vous préférez avoir et vous allez voir, ça va sauver du temps de batterie comme vous n'avez jamais vu. Quand même bien coté en plus, hein, 4 étoiles et demi sur 5. Malheureusement, je t'annonce que ce n'est pas sur iOS, c'est encore une fois seulement sur Android. Ouais, iOS ne laisse pas faire ces choses-là. Ouais, ben non, c'est non. Sûr que non. C'est pas grave, il y a un mode low power mode, le mode d'économie ouais, d'énergie sur iPhone. Je me suis même mis le petit compte dans le nouveau Control Center en bas à droite pour avoir facile l'accès. C'est pas mal sur iOS, je dirais que c'est pas mal la seule façon de pouvoir sauver un petit peu sa batterie. Exactement. Et encore une fois, je le répète souvent à l'émission, là, mais fermer les applications, ça sert absolument à rien sur iOS. Non, en effet. iOS est fait pour seulement les geler à l'arrière-plan, donc ça sert à rien de vider votre petit distributeur d'applications, là, comme tout le monde fait, double clic sur le bouton, là, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Comme je fais là en ce moment. Ça sert à rien. Ça sert à rien, honnêtement. Absolument. Voilà, donc, petit récapitulatif. Vas-y. Est-ce que t'es du genre à tout le temps être sur le mode... Quand je descends en bas de 20%, je me mets sur ça, ouais. Aussitôt que j'atteins 20%, mode économie de batterie. Tout le temps après 20%. Et habituellement, je réussis à durer jusqu'à la fin de la journée. Mais comme tu l'as dit, on se lève tôt le matin. C'est ça l'affaire. À 5h30, mon téléphone est débranché. Donc, ouais, je me rends pas tout le temps jusqu'à la fin de la journée. Même chose pour moi. C'est comme mais ça. Mais c'est possible. Sachez-le, par exemple, c'est possible de mettre le mode économie d'énergie tout le temps. Tout le temps, oui. Donc, si jamais vous le faites, ça va tout simplement réduire temporairement la consommation énergétique. Le temps que vous allez recharger, par exemple, votre téléphone. Mais quand le mode va être activé, la récupération des courriels, l'actualisation des applications en arrière-plan, les téléchargements automatiques, ben tout ça, ça va se mettre à ralentir, ça va faire en sorte que votre batterie va aller un petit peu plus... Et en fait, c'est une chose que je vous conseillerais, pas nécessairement de mettre le mode économie d'énergie, là, mais enlever la récupération automatique de certaines mises à jour à l'arrière-plan pour vraiment économiser de la batterie. Par exemple, justement, tu m'amènes sur le sujet, la fin de semaine passée, j'ai réalisé, grâce à Virgin, qui m'a envoyé un petit courriel, un petit message texte, en fait, qui me disait, vous êtes à 95% de votre utilisation de données. Là, premièrement, j'ai dit à voix haute, ça tentait pas de me le dire avant. Oui, hein? C'est ça. Et là, après ça, je suis allé voir l'utilisation de ma... Parce que quand tu vas dans tes réglages iOS et que tu cliques sur réseau cellulaire, ça va te dire exactement le nombre de megs que chaque application a pris pour pouvoir désactiver l'utilisation du réseau cellulaire. Je me suis rendu compte que l'application photo sur iOS m'avait pris 2 gigs. Oh mon Dieu, t'es-tu sérieux? J'ai 8 gigs en tout, 2 gigs. Moi, je pensais simplement qu'elle allait, genre, laisser les photos dans le nuage et quand j'en ai besoin, me les montrer. Mais apparemment qui fait du download tout le temps. Il y a d'autres applications comme ça qui prenaient 1 ou 2 gigs chacune, donc j'ai enlevé leur privilège de réseau cellulaire et depuis ce temps-là, ben, j'ai seulement eu 300 megs de prix et ce qui fait que j'ai réussi à arriver en bas de mon 8 gigs même si j'avais 95% de données il y a une semaine de prise. Donc j'ai vraiment tout enlevé ce que je pouvais et c'était pratique, ça fonctionnait quand même. Les applications dont tu as vraiment besoin, tu peux les laisser aller sur le réseau comme Messenger, des trucs comme ça, Safari. Ah, d'ailleurs, c'était Safari qui m'avait pris un autre gig de données dans le mois. Moi, ma théorie, c'est que, et la théorie de quelqu'un à qui j'ai parlé de ça, c'est que sûrement que les pages web que j'avais laissées ouvertes dans Safari avaient sûrement des publicités. Et les publicités devaient s'actualiser tout le temps quand j'allais dans Safari. Probablement, ça fait passer 1 gig. C'est vrai. Incroyable. Mathieu, pour que les gens le sachent, là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi 1 gig? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce qu'utilise un gig? C'est le G avec un O. Absolument. Quand vous avez votre plan cellulaire, bon, souvent vous allez avoir 6 gigs ou 8 gigs. C'est l'équivalent de, ben là, mathématiquement, il faut faire 8 fois 1024 megs. Là, ça ne servira à rien. Je vais l'arrondir à 8000 megs, si on veut. Et pour savoir ce que vous avez utilisé comme gig, évidemment, il faut aller dans l'application de votre compagnie comme pour être le plus certain possible d'avoir un chiffre fiable. Comme moi, je vais toujours dans l'application Virgin en premier parce que c'est eux qui savent combien j'ai pris. Par exemple, là, depuis hier, j'ai pris 0,89 MB. Pardon. À tes souhaits. 0,89 MB, c'est presque rien sur les 8 gigs. Donc, ça, c'est parfait pour ça. Pour savoir comment de bande passante chaque application a pris, c'est dans paramètres, dans réglages, réseau cellulaire. Et là, tu descends à données cellulaires. Il faut, en passant, savoir qu'il faut que tu réinitialises ça toi-même à chaque mois. Étant donné que ta compagnie ne fournit pas pour la date de ton début de contrat, là, il faut que tu ailles le faire toi-même. Donc, tu vas complètement en bas de cette page et tu fais réinitialiser. Et à partir de ce moment-là, tu peux te mettre une alarme dans ton calendrier à chaque mois pour venir le réinitialiser. Donc, ça, c'est pour savoir exactement en temps réel parce que souvent, l'application de ta compagnie de téléphone va avoir 4 heures de retard environ. Donc, et quand, qu'est-ce qui arrive quand tu réinitialises tout ça? Ça remet tout à zéro pour le compteur. OK. Et ça se remet à compter. Par exemple, là, depuis, je crois que c'est depuis hier matin environ, ou peut-être même ce matin, bref, le App Store a pris 710 kilooctets, ça c'est moins d'un meg. Une application pour enlever les publicités a pris 1,5 meg, des trucs comme ça. Et tu peux désactiver avec la petite case à cocher à droite, là, désactiver l'accès au réseau cellulaire. Donc, par exemple, si tu veux pas, mettons que photo, comme j'ai dit tantôt, qui avait pris 2 megs, tu veux pas que ça prenne 2 gigs, pardon, j'ai désactivé l'accès aux photos. Donc maintenant, quand je suis sur le Wi-Fi, je peux avoir accès à mon application photo, mais sur le LTE, l'application va ouvrir, mais va me dire tu peux pas actualiser. Tu peux pas actualiser. T'as pas Internet, donc c'est vraiment parfait. Et si de l'autre côté, c'est la batterie que vous avez de la difficulté à gérer, c'est la même procédure, aller dans réglages, puis dans batterie, et vous allez avoir en bas du mode économie d'énergie, vous allez avoir utilisation de la batterie, et vous pouvez y aller par 24 heures ou par les 7 derniers jours. Et en termes de temps ou de pourcentage, par exemple, bon, certaines applications de dating ont pris beaucoup de batterie. Sinon, Messenger a pris 12%. Une heure à l'écran pour Messenger, donc 12%. Facebook a pris 17 minutes à l'écran depuis les 2 derniers jours et a pris 3% de batterie. Donc, c'est là que vous allez savoir quelle application prend le plus de batterie pour pouvoir peut-être l'effacer, la remplacer par autre chose. Donc, pour vrai, ces deux sections-là sont mes deux conseils par rapport à la batterie et à la bande passante de votre réseau cellulaire. Deux problèmes que tout le monde a de nos jours et que c'est pas tout le monde qui savent comment régler. En effet. Voilà. Hey, merci d'avoir, posé la question. Tania, merci pour ta chronique aussi. Ben, ça fait plaisir. On fait un petit récapitulatif. Donc, les applications à essayer: Asana, AppBlock, Flip, Frigo Magique et Transit. Et les applications pour étudiants: Classfeed, Academos et DU Battery Saver sur Android. Les liens sont dans les notes de l'émission numéro 1129 sur assemblagerequis.com. Merci encore, Tania. Fait plaisir. On s'en va entendre une petite chanson musicale. Ah oui? Pourquoi pas aller entendre une pièce francophone? Et là, j'y vais par processus d'élimination. Plutôt quoi? À l'aveugle? À l'aveugle, non, absolument pas. Non, en fait, je me suis dit qu'on allait entendre une autre nouvelle entrée francophone. Ah, certainement. C'est par L'Homme Pâle. Voici Yeux disent tout de suite. Assemblage requis. Au 89 FM. C'est FM. Fou. FM, ouais, FM. Ouais, ouais, ouais. AM, ouais. Ça sonnerait comme le début de l'émission avec la petite extension. Ouais, c'est ça. Ça sonnait creux un peu. Recharge mes batteries, j'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries, recharge mes batteries. Enchanté, Antoine, je brise les rêves et les cœurs, mais j'ai un bon fond, promis. Promis. Je voulais plus d'air, plus de distance, j'en ai juste un peu trop mis. Assis ensemble sans se dire un seul mot dans le tromé. Je pouvais devenir un artiste, alors je l'ai fait. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus et mes excuses n'avaient plus un seul effet. Aïe, attention à ce que les cerveaux agités promettent. J'ai déjà menti, oui, mais le jour où je lui ai dit que j'étais honnête. Aïe, comment on a fait pour atteindre ce stade? Ok, je suis peut-être peu stable. Je sais plus si je veux renaître ou juste être une star. Je me suis perdu comme les lettres de Stan. Aïe. Un jour elle m'a dit qu'elle souffrait, que c'était terrible dans sa tête. Mais ce jour-là je l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête. Je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété. Je lui ai dit qu'elle était pas unique, ce soir elle dort avec sa fierté. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Hey, j'ai la belle vie, je fais des bons morceaux, je fais des bons concerts. J'écoute mes maquettes à fond, j'entends plus les bons conseils. J'ai la dalle comme ce con de Luffy, faut que je comble vite. L'image de soi-même c'est précieux. Quelques doutes et mes démons revenaient. Elle est belle mais si je regarde ses yeux, c'est peut-être juste pour y voir mon reflet. On a marché sans se dire un mot pendant des heures à Paris. Aïe aïe aïe. Elle est irremplaçable mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie. On profite jamais de ce qu'on a. J'ai cherché la réponse en fixant le plafond jusqu'à 5 heures. Le genre de problème qui casse un cœur. Merde. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. Dieu dise le contraire, Dieu dise le contraire. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe. Je l'ai touché dans le cœur. aïe, je l'ai touché dans le cœur. Aïe, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. Je l'ai touché dans le cœur. L'homme est pâle avec yeux disent ou l'homme pâle, ça dépend. On sait pas. On sait pas trop. Là. C'est nouveau, c'est une nouvelle entrée. On sait pas encore renseigné. On va faire ça dans les palmarès c'est fou qui ont lieu ce midi. Hein, c'est là qu'on se renseigne sur les bands qu'on fait jouer. Voilà. Maintenant, toujours à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. Maintenant, c'est après le crime. Ouh. Yeah. J'avais fait un montage pour celle-là, j'aurais peut-être pu effacer la... Ah, c'est mon erreur, je m'étais monté un beau petit thème pour ça en plus. Oh non! Puis je l'ai pas utilisé, le thème il est là, là. Voilà, il semblait aussi que j'avais monté de quoi pour ça. Après le crime, la chronique des gens qui font des choses répréhensibles à Assemblage Rocky, et on va commencer à l'instant avec un voleur qui est, bien évidemment, un voleur accusé. Non? Il n'a pas été déclaré coupable, donc on peut l'appeler un voleur, donc un présumé voleur, qui n'a pas flushé la toilette et qui a laissé de l'ADN pour la police. Ça se passe à Ventura, en Californie. Les enquêteurs disent qu'un suspect qui est arrêté pour un petit vol, là, comme ça, là. Puis après, il est arrêté pour faire une petite pause toilette. Il a laissé de l'ADN derrière lui et ça a mené à son arrestation. C'est pas magnifique, ça, comme nouvelle. Oh boy. Donc, ça s'est passé dans le sud de la Californie. Il a pris une petite pause de toilette, comme ça. Il a fait ses affaires et il n'a pas flushé. Ça s'est passé en octobre dernier à Thousand Oaks. Ça a permis aux enquêteurs de ramasser l'évidence, les preuves et faire un profil d'ADN, ce qui a matché avec un autre profil dans une base de données au niveau national. Et les détectives ont réussi à retrouver le suspect à sa maison dans la ville de Ventura. Andrew David Jensen, alors qu'il était arrêté le 28 juillet dernier pour un vol résidentiel au premier degré. Donc, sa caution était à 180 000 $ et donc, j'imagine qu'il n'a pas pu se permettre ça. On dit que c'était la première fois que de l'évidence matière fécale avait été ramassée pour un vol. Ouais. Andrew David Jensen. Excellent. Ensuite, de la fausse argent, on parle d'argent d'accessoires de films, de la prop money, comme on l'appelle, qui a été passé pour de la vraie argent dans une ville de la Pennsylvanie. Et la police ne sait pas d'où vient cet argent et qui l'a passé comme ça, comme de la vraie. Donc, de la fausse argent dans une ville de l'ouest de la Pennsylvanie. La police de Aliquippa a posté des photos de ces faux billets de 20 $ qui étaient passés donc, dans des entreprises locales. Les billets ont l'air bien sûr convaincants. Hein? C'est quand même de la quand monnaie même. De film. On fait pas n'importe quoi avec ça. Sauf pour la petite mention, motion picture use only, imprimé clairement à l'avant et à l'arrière, mais en petit caractère quand même. Comme ça, on le voit pas aux caméras, mais on le voit quand on l'a dans ses mains. Donc, pour utilisation cinématographique seulement. La police, comme je disais, ne sait pas d'où c'est venu. On dit que c'est pas contre la loi d'utiliser de la vraie argent américaine dans des films ou dans des émissions de télé, mais les producteurs utilisent de faux billets pour ne pas avoir à penser au vol ou à la perte, bien sûr, surtout lorsqu'il y a des valises d'argent ou des gros montants. Donc, c'est plus facile pour eux de faire de la fausse argent que de se procurer autant de vrai argent et de vérifier que sa présence est toujours là, t'sais. Oui. J'imagine. Ensuite, un chef qui a été tué dans un restaurant de Charleston. Le suspect a été tiré par la police. Ça se passe en Caroline du Sud. Donc, c'est un plongeur qui a été renvoyé. Et lui, il a tiré et tué un chef. Et il a tenu une personne en otage pendant environ 3 heures avant de se faire tirer par la police dans un grand restaurant, dans un endroit très touristique du centre-ville de Charleston. selon les autorités et les propriétaires du restaurant. L'otage a été libéré sans aucune blessure, selon le maire John Tecklenburg. La fusillade a eu lieu dans un restaurant en Virginie, sur King Street, en fait une belle petite rangée d'endroits très très classe où les touristes et les résidents de la Caroline du Sud vont manger et boire. Tecklenburg a rapidement dit que la fusillade était l'acte d'un ancien employé fâché et non pas une attaque terroriste ou un crime de haine, comme on appelle souvent. Ouais. Évidemment, après avoir eu la fusillade dans une église dans les derniers jours, je pense qu'on peut au moins être soulagé du fait que c'était pas quelque chose du genre. Donc le tireur a tué le chef exécutif du restaurant. C'était Anthony Shane Whedon, 37 ans, selon la coroner Sheila Williams. Les autorités n'ont pas sorti encore le nom de la personne qui a commis le crime, mm-hmm. bien sûr. On disait à l'origine oui, que c'était un couple ou peut-être un petit nombre. Qu'il y avait soit deux ou soit plusieurs otages, mais finalement on a appris qu'il y en avait seulement un seul otage. Voilà. Ensuite, on continue avec la cour allemande qui croit qu'une infirmière a tué 86 patients. OK. Ouais, donc c'est un infirmier, je m'excuse, qui a donc été trouvé coupable d'avoir tué des patients en Allemagne avec des surdoses de médicaments pour le cœur. On croit maintenant que cette personne-là a tué 86 personnes et ça pourrait être même encore plus élevé comme nombre. Plusieurs morts auraient pu être empêchées si les autorités de la santé avaient agi plus rapidement sur leurs suspicions, nous dit le chef de la police dans la ville de Oldenburg. Niels Ogle, qui a maintenant 40 ans, a été trouvé coupable en 2015 de deux meurtres et deux tentatives de meurtre dans un hôpital dans le nord-ouest de la ville de Delmenhorst. Il a reçu comme sentence donc de passer sa vie en prison, mais la prosecution dit depuis longtemps qu'il a tué probablement plusieurs personnes de plus que ça. On met le nombre à environ 43 pour l'instant. Le crime a été découvert lorsque Ogle, qui a été trouvé coupable de meurtre et de tentative de meurtre dans un autre cas, donc les autorités subséquemment à ça ont enquêté sur des centaines de morts. Ils ont sorti des corps d'anciens patients pour pouvoir trouver lesquels avaient pu être tués par cet infirmier-là. Donc les autorités ont maintenant trouvé des preuves de 84 meurtres en plus de ceux pour lesquels Hogel a été trouvé coupable. Le nombre, comme on dit, est probablement plus élevé parce que plusieurs ont été brûlés. Des corps brûlés dans le sens de... Incinéré. Incinéré, exactement. Ce qui fait que c'est impossible de ramasser des preuves par rapport à ça. Donc voilà, malheureusement, ça se passe en Allemagne. Ensuite, on va voir un juge qui a envoyé un gourou indien en prison pour 20 ans à cause de viol. Donc, c'est un juge qui a donné comme sentence à un gourou spirituel indien flamboyant et populaire, un total de 20 ans en prison avec des accusations donc de plusieurs femmes. Les sentences ont été prononcées avec une sécurité très intense autour dans la ville de Rohtak, où le gourou, qui s'appelle lui-même Dr. Saint Gurmeet Singh Ram Rahim Insan. Ben oui, voilà. Je sais qui c'est! Donc l'avocat à la défense SK Garg Narwana dit que le gourou a reçu une sentence de 10 ans pour chaque cas et il doit payer 3 millions de roupies, 47 000 dollars américains. Oui, voilà. Donc il y a eu des manifestations violentes de la part des suiveurs du gourou qui a laissé ces manifestations-là. 38 personnes mortes et des centaines de personnes blessées. C'est pas mal ça. On dit que les services de train et d'autobus ont été suspendus pour empêcher les fans du gourou de se rassembler dans la ville. Est-ce que tu sais qui est The Fat Jewish? Oui. Le gars qui a comme créé le rosé pour les femmes blanches. Ouais. Tu trouves pas que le gourou ressemble un peu à lui? Je suis d'accord avec toi. Un peu, c'est la barbe, hein, je pense. Je pense que c'est la barbe, la carrure. Ouais. Mais Fat Jewish, c'est pas celui qui vole les jokes des autres puis qui fait passer ça comme les siennes aussi, ouais. Son Instagram est marrant, là. Si jamais vous voulez rire un bon coup, allez sur Instagram. C'est ça. Puis chercher de Fat Jewish. Mais cherchez pas les crédits vers les vrais sources. Non, surtout pas. Fausse information. Fausse, fake news. Ensuite, on parle de tricher dans un test de drogue. OK. Non, c'est ça. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, ça a été révélé un petit peu par un drôle de son. C'est le district attorney du comté de Monroe qui a dit qu'il y avait des sons, des bruits qui venaient d'un homme qui utilisait des ciseaux pour couper un condom qu'il avait rempli d'urine propre. Hein? Lors d'un test de drogue, tu comprends? Un test pour savoir si la personne prend des drogues. Ouais. Donc, il y a un son un son qui est sorti de la part de ça? De ce condom-là, oui, de ça, ouais. De ces ciseaux-là. Mais pourquoi tu utilises un condom pour un test de drogue? Ben parce que le condom est rempli d'urine propre, Tania. Donc, ton test de drogue, si tu veux le passer, ton urine qui est remplie de drogue ne passera pas. Donc, tu remplis ton condom d'urine de quelqu'un d'autre pour pouvoir passer le test de drogue. OK, ouais, pour je qu'il comprends. Soit négatif, OK, fait que toi, tu conserves ce puis un petit pot, ça te tasse pas. Pour ben, j'avoue, j'imagine que ça passait plus inaperçu, un petit condom dans ta poche ou dans quelque chose. Qu'un petit pot d'hôpital, moi, t'as raison. Un pot de vitre ou quelque chose d'un peu de plastique, ça paraît. Bref, les autorités disent que M. Daryl Anthony Coger, 21 ans, a utilisé des ciseaux pour ouvrir un condom qu'il avait rempli d'urine propre. Les autorités disent donc que Coger a amené ce condom-là dans le bureau de probation le 31 juillet pour pouvoir soumettre un échantillon clean pour passer un test de drogue. On dit qu'on a trouvé un condom déchiré et des ciseaux lorsqu'on a cherché Coger après avoir entendu le son, le pop, alors qu'il était supposé être en train d'uriner dans un bocal de plastique. Donc voilà, il est accusé d'avoir fourni donc de l'urine sans drogue et d'avoir possédé un instrument de crime, donc dans ce cas-ci, les ciseaux. C'est... Ouais. Il a essayé, l'intention était là. Ensuite, des voleurs. Il y a chance la prochaine fois. Des voleurs armés qui ont eu une grande surprise en sortant leur fusil dans un bar qui était rempli d'officiers de police. C'est un petit party de job de police, c'est comme pas le meilleur endroit pour sortir un fusil, j'imagine. Non, en effet. Donc, deux hommes qui ont décidé de voler un pub du Maryland ont choisi le mauvais endroit, oui, au mauvais moment. Le pub est en fait un endroit où les policiers se rassemblent souvent. C'était rempli d'officiers de police. WBAL nous dit donc que les deux suspects étaient armés, sont entrés dans le Moynihan's Pub à Woodlawn. Donc, juste avant 17h30, les suspects ne savaient pas, bien sûr, qu'à l'intérieur du pub, à ce moment-là, c'était la fin du chiffre de ces policiers-là. En fait, non, on dit c'était finalement un party. Ils célébraient la retraite d'un des officiers. Mais c'est une place où ils allaient de toute façon, mais là, il y avait encore plus de policiers parce que c'était la retraite d'un des leurs. Selon la police, les deux suspects sont entrés par la section take-out du pub. Ils auraient sorti leur fusil et demandé au caissier ou à la caissière de donner l'argent. La police de Baltimore County a dit que les suspects se sont ensuite retournés vers la sortie, ont essayé de s'enfuir en courant, mais ils se sont pas rendus très très loin. Les deux hommes sont Joseph McInnes III, 21 ans, et Tyree McCoy, 22 ans. On ne sait pas donc combien d'argent ils ont pris du magasin, mais quand même, ils ont été bouclés et accusés et de vol à merde. Et clairement, un petit peu battu. Amoché, un petit peu amoché. Juste un petit peu. En tout cas, un plus que l'autre. Il y en a un qui a l'air pouffi des yeux, pas mal. Il y en a un qui, d'après moi, il est niaisé. Il est vraiment, vraiment fatigué. Tu sais, il faut s'informer à savoir où se tiennent les policiers quand ils ont terminé de travailler. Tellement. Les deux suspects sont toujours derrière les barreaux dans un centre de détention à Baltimore County. Ensuite, un donneur, comme on dit des fois, de sperme, oui. Marié, mm-hmm. Un père de famille, qui est en fait devenu père de 59 enfants dans le dos de sa femme, oui, à cause de son don de sperme, ouais. C'est quelque chose, hein? Donc, 59! Ça fait Starbucks, là. C'est quoi le film avec... Oui, avec Patrick Huard. Exactement. Donc, ce documentaire britannique nommé Desperately Seeking Semen, comme dans... C'est un jeu de mots avec Desperately Seeking Men, mais à la place, c'est Semen, comme du sperme. C'était donc le profil d'un donneur anonyme qui dit avoir été le père, comme on dit, de plusieurs enfants de façon peu orthodoxe. Mais non, ouais, voyons, qu'est-ce que tu veux dire? en fait, c'est vraiment peu orthodoxe. Ça dit que les donateurs, ouais. Avaient des relations sexuelles avec les personnes qui allaient recevoir. En plus? C'est ça, hein? Dans certains cas, the donors are having intercourse with the recipients. C'est exactement ça. Ben oui, toi. Ouais, exactement. Donc, un père est devenu... un homme est devenu père de plusieurs enfants sans la connaissance de sa femme, évidemment. Donc, le film explore un type de marché noir, si on veut, pour le don de sperme que certains parents ou certains qui aimeraient devenir parents utilisent. Ils disent que les banques de sperme sont trop chères et sont des fois peu accessibles. Donc, les couples qui sont incapables de concevoir naturellement vont sur des groupes Facebook et sur des profils en ligne pour trouver des donneurs de sperme, selon The Mirror. Ben, voyons donc. C'est wow, hein? Pour vrai. Donc, un des hommes dans le documentaire dit qu'il donne du sperme depuis 15 ans, ce qui a donné la naissance, comme on dit, de 59 enfants, avec plusieurs autres qui s'en viennent plus tard. L'homme est marié, l'homme est anonyme. Il dit qu'il a donné ça, ce sperme-là, sans la connaissance de sa femme et ne prévoit pas lui dire du tout. Oh mon Dieu! Voilà. Mais je suis comme en train de regarder un bout, ouais. Du documentaire. C'est légèrement un petit peu troublant. Tordu! Un petit peu. Très, très, très tordu! tordu. On va aux États-Unis et tout en vous rappelant évidemment que la chronique après le crime s'adresse à un public plus ou moins averti. Oui, sachez-le, s'il vous plaît. Sachez-le, parce que la prochaine parle d'une jeune fille de 5 ans morte après avoir trouvé un fusil dans le sac à dos de son père. Ah non. Une fille de 5 ans dans le Maine, donc qui s'est accidentellement tirée elle-même après avoir découvert un fusil chargé, bien sûr, à l'intérieur de la maison de ses grands-parents à Scarborough. Donc, WCSH nous dit qu'Ellie's Door, 5 ans, est morte d'une blessure infligée envers elle-même. La petite fille aurait trouvé ce .45 chargé dans le sac à dos de son père pendant qu'ils étaient chez les grands-parents. Ben oui, donc, rien de moins vite tard, ça va chez grand-maman, m'a amené mon gun. C'est ça, y a rien là. Donc, la porte-parole à la sécurité publique du Maine, le porte-parole Steve McCoslin, a dit à la station WCSH que la cause de la mort était accidentelle, bien sûr, un coup à la tête. Oh. Le père de Ellie's, Todd Dorr, a dit à la police qu'il était dans la chambre à coucher lorsque l'accident tragique a eu lieu. Il dit qu'il était là avec sa fille Il dit qu'il est allé de l'autre côté de la pièce pour ajuster la télévision et qu'il a entendu le son d'un fusil, bien sûr. Et apparemment que la mère de Elise, le père et ses deux frères ou sœurs gardaient la maison pour les grands-parents au moment de la fusillade. Donc, ils étaient là pour faire du house-sitting, comme on dit. La petite fille a été annoncée comme morte au centre médical du Maine. Et l'autopsie confirme en effet que la mort est accidentelle. Voilà. Tragédie, bien sûr. L'enquête a lieu en ce moment. Ensuite, encore une fois, public averti pour la prochaine nouvelle, un homme qui dit qu'il se touchait lui-même pour des raisons médicales. Ils disent tout le temps ça. Si tu te fais arrêter pour masturbation publique, peut-être que tu vas devoir t'expliquer aux policiers et à Lincoln, dans le Nebraska. Il a l'air d'un monsieur qui a besoin de raisons de soins médicales. C'est ça. Donc, Joseph Walcott a été arrêté pour masturbation à un arrêt d'autobus à 18h45 sur le KETV. La raison, il faisait ça pour des raisons médicales pour se débarrasser de sa syphilis. il pourrait passer 6 mois en prison, oui, et payer 1000$. La police de Lancaster County a obtenu, donc c'est ça qu'il était sorti de prison au moment d'écrire l'article. Et on n'a pas pu avoir plus de commentaires, voilà, du Lincoln Police Department. Ensuite, c'est une personne dans une garderie qui abandonne un garçon de 4 ans dans un parc pendant une partie de cachette, selon la police. Donc, ça se passe à New York. Ils ont arrêté donc un gardien ou une personne qui s'occupe d'enfants. Ils l'ont accusé d'avoir mis la vie d'un enfant en danger après avoir laissé un enfant seul de 4 ans dans un parc. Oscar Jaramillo, 32 ans, aurait laissé le garçon seul dans un parc de Queens en jouant à la cachette. Une partie de cachette donc avec la victime Emiliano Marquez et la fille du suspect, la fille qui a 8 ans, du suspect en tant que tel aussi. Donc, le garçon de 4 ans était seul dans le parc pendant plus de 5 heures, selon les autorités. On dit que Jaramillo n'a pas dit à personne que le garçon était disparu, ni à ses supérieurs, ni à personne d'autre. Mais là, voyons. À la garderie Peekaboo. Peekaboo. Donc, un policier qui s'adonnait à être au parc a trouvé Emiliano en train de se promener seul vers les 13 heures et l'a ramené à la station de police où les policiers ont en fait tweeté la photo du garçon pour essayer de trouver ses parents. Et tu vois que le garçon est très en forme, là, il a l'air très très souriant, très très de bonne humeur, mais quand même, lui, il ne sait pas que c'était très très dangereux d'être seul dans un parc. Ça a bien fonctionné avec Twitter et la famille a été réunie. Le père de l'enfant, Jim Savage, a exprimé sa déception, bien sûr, envers Jaramillo et la garderie en tant que telle. Et pour le suspect, ses avocats disent aux journalistes qu'il a simplement eu peur après avoir perdu le jeune garçon. Il dit « Je suis désolé, c'était une erreur. » Voilà. Comme on l'a dit, le petit garçon a bien pris ça, disant qu'il se sentait comme Curious George. Donc, tout va bien. Boy. Et Jeremiah a pu sortir de prison en payant 10 000 $. Mais c'est sûr que le kid, lui, c'est correct. Oh, ouais, ben, c'est ça, à un moment donné, il a dit trippé, là, c'est ça. Mais, jouez pas à cache-cache dans un parc. Voilà. Le juge a demandé aussi à Jeremiah de rester le plus loin possible de cet enfant. Ensuite, une mère, un peu dans le même domaine, une mère qui s'est fait prendre en train de voler dans un magasin et qui a laissé son enfant derrière elle au magasin. Oui. Donc la police a arrêté une femme à Mobile en Alabama, une femme qui a laissé son enfant de 5 ans derrière dans un magasin alors qu'elle était en train de voler. Donc WKRG dit que Debrina Aranita Scott, 24 ans, a été amenée donc, à la station de police accusée de vol et d'avoir mis la vie d'un enfant en danger, ou en tout cas son bien-être. Après avoir été accusé donc de shoplifting, donc de vol à l'étalage, Scott serait parti du magasin en courant, elle est montée dans sa voiture, elle est partie, donc laissant son enfant derrière, enfant de 5 ans. Donc on dit que les gardiens de sécurité, accompagnés par l'enfant, auraient chassé la femme de l'Alabama dans un stationnement très très rempli. Et puis on dit que le jeune garçon a presque été frappé par une voiture pendant cette mésaventure-là qui a eu lieu, donc selon AL.com. Le département style DPJ là-bas est arrivé au magasin. C'est un magasin de souliers, pour ceux qui sont intéressés par les détails. Ils ont pris l'enfant donc, sous leur charge et la mère du suspect, Angela Scott, 43 ans, est venue. C'était pas l'enfant de la personne qui a commis le crime au départ, si je, si je comprends bien. Donc, la femme... Excuse-moi, je recommence. La femme du suspect, de la suspecte, Angela Scott, 43 ans, est venue chercher son petit-fils. Donc, c'était bien le fils de la dame du début. Donc, l'enquête présentement préliminaire, on a déterminé que la grand-mère n'était pas capable de prendre soin non plus de l'enfant de 5 ans. Donc, on s'imagine que ça va finir avec un enfant dans une famille d'accueil. Non, non. Donc, on a aussi révélé que la grand-mère de l'enfant, donc la mère de la personne qui a commis le crime au départ, a été arrêtée pour avoir refusé de quitter la scène. On dit que Angela a finalement été accusée de non-obéissance à la loi ou aux demandes des policiers. Et puis, donc c'est ça, on ne sait pas encore quel autre membre de la famille ou famille d'accueil va accueillir l'enfant. Et on ne sait pas non plus si Debrina Aranita Scott et sa mère Angela vont sortir de prison bientôt ou sont sortis. On ne sait pas. Ensuite, un homme qui fait souvent des crises. Est-ce qu'on dit de crise d'épilepsie? Voilà. Donc, il aurait continué de conduire et ce qui a causé un accident qui a tué un enfant, une mère et sa grand-mère. C'est des accusations criminelles contre un homme du Minnesota qui indique qu'il a caché son historique de crise, comme on dit, d'épilepsie, pour pouvoir continuer de conduire, ce qui finalement l'a mené à tuer 3 personnes. Mmh. C'est selon le New York Post, Patrick Hayes, 35 ans, de Savage, dans le Minnesota, est accusé donc d'homicide comment est-ce qu'on dit ça en français? Homicide véhiculaire criminel. Par véhicule, après avoir foncé tête première sur l'autoroute I-494 à Bloomington, après avoir conduit donc sur le mauvais côté, dans la mauvaise direction. L'accident a tué un garçon de 2 ans, Peyton Bailey, et sa mère, Dylan Bailey, 24 ans. La grand-mère de Peyton, Dawn Chioda, a aussi été tuée, et plusieurs autres ont été blessés sérieusement. Les documents de la cour indiquent que Hayes a une historique d'épilepsie, et ça demande de la médication. Deux choses qu'il n'avait pas listées sur son application pour son permis de conduire, ce qu'il faut faire apparemment. Ben oui. Une plainte criminelle dit donc que Hayes a reçu des médications peu de temps après le crash, mais il aurait dû probablement en prendre avant. Hein? Maintenant accusé de 5 chefs d'accusation de homicide par véhicule criminel. Donc c'est pas la première fois qu'il a causé un accident de voiture sérieux. En fait, l'an dernier, il a causé une collision à 11 voitures. Hein? Et en 2015, 11 voitures. Et en 2015, il s'est enfui de la police après avoir crashé dans un autre véhicule. S'il est trouvé coupable, Hayes pourrait passer 40 ans en prison. Et on s'entend que si le gars est pour avoir des crises et qu'il est pas pour se soigner, peut-être que toute la planète est en meilleur état s'il est en prison. Je pense bien. Surtout après 3 fois. Hey! 11 voitures. Ah, ouais. Et là, il y a eu des morts cette fois-là. L'autre fois, il n'y a pas eu de morts. Oui, exactement, là. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu comprends le message un peu. Là. Faudrait, en tout cas. C'est le fun. Ensuite, le mari d'une femme perdue à la mer a quitté le pays et ensuite est revenu pour une réunion par rapport aux assurances connectées à la disparition de sa femme. C'est un petit peu compliqué comme histoire, racontons-la. C'est Louis Bennett qui a été arrêté sur des accusations d'avoir volé des milliers de dollars en pièces d'argent et d'or. Donc c'est un mari, le mari d'une femme de la Floride qui était perdue à la mer depuis le mois de mai, qui avait quitté le pays pas trop longtemps après sa disparition à elle, mais qui est retourné aux États-Unis pour une entrevue par rapport à une compagnie d'assurance avant d'être arrêté, lui, sur des accusations de vol. Donc, hein? C'est un petit peu... Pour vrai, c'est vraiment compliqué. C'est weird, un peu comme ça. Louis Bennett qui a été arrêté sur des accusations donc d'avoir volé des dizaines de milliers de dollars de pièces d'or et d'argent alors qu'il travaillait comme matelot sur un bateau en mai 2016. Sa femme, OK? Sa femme, ça faisait 3 mois qu'ils étaient mariés. Donc, sa femme s'appelle Isabella Hellman, 41 ans. Elle, cette fille-là, était perdue à la mer depuis mai cette année lorsque le couple est allé en lune de miel, en petit voyage en bateau. Il n'y avait aucune signe de cette personne-là, de la fille, depuis, et Bennett aurait demandé à la garde côtière de la déclarer morte quelques jours après avoir supposément disparu de leur catamaran pendant que Bennett dormait, c'est ce qu'il dit. Donc, WBPF dit que Bennett avait en fait quitté les États-Unis pour l'Angleterre au mois de juin. Là, on parle du monsieur, le gars. Ouais. Ça, c'est ce qu'il a indiqué sur Facebook. Ça a été effacé par la suite. Bennett est après ça revenu en Floride pour rencontrer une compagnie d'assurance par rapport à la disparition de sa femme et de sa mort possible parce qu'il avait dit de la déclarer morte. Selon la station de nouvelles, le FBI attendait Bennett à l'extérieur du bureau d'assurance à West Palm Beach. Ils l'ont amené parce qu'il avait, comme on dit, fraudé avec volé des pièces d'or et d'argent. La compagnie d'assurance lui avait donné l'option de faire l'entrevue par Skype, mais il a choisi d'y aller en personne et c'est comme ça qu'il s'est fait arrêter. On confirme aussi que Bennett avait... les autres détails, le FBI disait, bon, là, on parle des pièces de monnaie en détail, c'est pas super pertinent, mais on dit que... que c'est pas clair exactement où la fille du couple est à ce moment-ci, mais Bennett l'aurait ramenée en Floride où la famille d'Isabella vit, et Bennett reste en prison jusqu'à ce qu'il soit, à ce qu'il passe en cours dans les prochains jours, prochaines semaines, j'imagine. Donc, grosse histoire par rapport aux assurances, essayer de faire passer sa femme comme étant morte alors qu'elle n'était pas vraiment... Ouais, c'est ça, c'est bizarre. C'est vraiment complexe comme histoire. Ensuite, on a un dealer de drogue qui a l'air tout à fait sympathique. Ben oui, clairement. Hein? Et l'argent qu'il a fait en vendant de la dope est tombé de son orifice de derrière à la station de police. Donc la police dit qu'un homme de Floride a été arrêté pour du trafic de drogue. Il a essayé de cacher plus de 1 000 $ dans son rectum. Ah! Ouais. 1 000 $? 1 000 $. J'espère que c'est pas une petite monnaie. Donc le Marion County Sheriff's Office a dit que Patreon Stokes, 26 ans, a été arrêté pour conduite donc à vitesse trop élevée un certain samedi matin. Après avoir senti le merveilleux odeur de la marijuana, les officiers ont trouvé de la drogue, dont de la cocaïne entre autres, 197 grammes de méthamphétamine, 4 grammes d'héroïne, etc., etc. Les officiers ont trouvé en fait une balance dans la voiture du suspect. C'est ce qui est rare que tu traînes ça dans ta voiture, ouais, une balance. Ça. Sans que tu sois vraiment vandale. C'est ça. Donc, l'homme de la Floride avait un garçon, un enfant, en fait. Ça nous dit juste un enfant de 7 mois avec lui dans la voiture, sur le siège d'en avant, lorsqu'il a été arrêté pour vitesse, bien sûr. Les autorités disent que Stokes avait une grosse somme d'argent sur lui pendant son arrestation, mais pas lorsqu'il est arrivé à la prison Marion County Jail. L'homme de 26 ans aurait supposément dit aux députés de détention que quelqu'un avait déjà confisqué son argent. La police savait que c'était un mensonge. Les députés de détention ont remarqué quelque chose d'inhabituel, donc ils ont vu des billets de 20 $ tomber de ses fesses. C'est ce qu'ils ont dit sur Facebook, oui. Et après un processus que personne ne voulait vraiment vivre, ils ont réussi à trouver 1 090 $ en argent américain dans le rectum de M. Stokes, qui est accusé de contrebande, bien sûr, de trafic de drogue, de possession de drogue, de manufacture et de peu importe. C'est un gars de 26 ans seulement qui a pu payer sa caution, qui est sorti de prison plus tard ce même jour-là, selon le Palm Beach Il a payé Post. Cet argent-là. Probablement, mais ça devait sentir bon, cette histoire-là. Bye-bye. Ensuite, on va en Caroline du Nord, où un travailleur dans un restaurant s'est fait prendre en train de préparer de la nourriture directement sur le sol. Arc! Ouais, ça se passe à Charlotte, en Caroline du Nord, où un travailleur dans un restaurant donc s'est fait prendre sur vidéo en train de préparer ça directement sur le sol, juste en arrière de l'établissement. Donc la vidéo fournie par WGZY montre donc un employé de Tokyo Grill and Buffet en train de préparer de la nourriture juste à côté des poubelles et de tout plein de saleté. La vidéo date du mois de mai. Tokyo Grill, qui supposément a passé 3 inspections de santé cette année. Ben oui. Avec un score de 91,5. Mais non! C'est vraiment parfait. Un score qui pourrait descendre vraiment énormément, probablement genre à 3 ou je sais pas trop quoi. Ben clairement, ou juste comme fermé. Juste fermé le restaurant. Donc, un inspecteur de santé a apparemment visité le restaurant de Charlotte après avoir été mis au courant de la vidéo. Le gérant de Tokyo Grill aurait dit qu'un superviseur n'était pas présent ce jour-là pour empêcher les travailleurs de faire la nourriture à l'extérieur. Le département de la santé a noté que ne pas avoir un gérant sur le site du restaurant est aussi une autre violation des règles. T'as pas le droit de pas avoir de gérant à ce moment-là pour surveiller ces trucs-là. Donc le restaurant a publié un texte sur Facebook, bien sûr, pour s'excuser de cet incident, hein, évidemment, et on dit qu'on avait engagé quelqu'un de nouveau et qui n'était pas coaché pour peler des oignons. Ouais. Quelque chose comme ça. C'est ça, je suis en train de rire. C'est il y avait ça. De la difficulté à peler les oignons, faut qu'il est allé à l'extérieur. Par la suite, il les a lavés. Est-ce que c'est sa craque de fesses qu'on voit? Je pense que oui. Je pense que c'est sa craque de fesses qu'on voit. Je pense que oui. Bref, ils disent prendre ça très très au sérieux. On dit que l'employé en fait a lavé les oignons avant de les remettre dans le réfrigérateur après les avoir pelés à l'extérieur. Mais là, il y a une grosse politique de supervision qui vient d'être instaurée chez Tokyo Grill pour s'assurer que ça soit toujours servi correctement. Dis-il. Franchement. J'ai hâte de voir ça. Tu parles d'une idée. Ensuite, un voisin cauchemardesque. Tout le monde a déjà eu un voisin cauchemardesque. Hein? Celui-là fait des menaces de mort, empoisonne le gazon, pointe des lasers dans les maisons, des trucs comme ça. C'est donc un résident de l'Alabama qui a passé des années à terroriser ses voisins. Il a enfin reçu sa sentence. Il pourrait très bien ne jamais plus sortir. Donc, c'est dans un quartier de Montgomery, en Alabama, qui peut finalement dormir tranquille maintenant que leur voisin cauchemardesque a été envoyé en prison. C'est Jason Clark, 46 ans, qui a reçu un beau petit 40 ans en prison Et 40 ans! Pour avoir fait de son quartier un enfer pour les résidents de Dalreda en Alabama. À la sentence, le juge Montgomery County Circuit Court Judge, M. Truman Hobbs Jr., a fait référence à M. Clark comme une bombe à retardement. Voilà, oh il a boy, dit que okay. Clark avait plus de 40 000 rondes de munitions et d'armes dans sa maison. Clark a plaidé coupable à deux accusations de stalking, d'espionnage intense, là, pas super correct. Donc, au moment de cette d'avoir plaidé coupable, oui. Ouais. Et il était accusé aussi de terrorisme et de trafic de drogue. My God. On a abandonné ces accusations-là. Donc, l'avocat de Clark, Tom Azar, aurait demandé à la cour d'avoir une probation pour son client, mais le juge Hobbs, à la place, a donné une sentence de 20 ans pour chaque accusation de stalking et lui a ensuite demandé à ce que ce soit servi de façon consécutive, donc les deux de suite. Okay. C'est pour ça que ça donne 40 ans, 20 ans plus 20 ans, ça donne 40 ans. Donc, on dit, bon, dans les détails ici, que plusieurs voisins avaient demandé des ordres de restriction, là, des demandes de restriction contre Clark. Ça a fait très peu de choses. Clark, en fait, a continué de les terroriser, ces voisins-là. On dit que, il y a un témoin qui dit que, bon, le voisin l'a terrifié pendant des années, a tué son gazon, donc en mettant du poison dedans, a tiré sur sa porte, a passé la clé sur sa voiture pour faire des marques, a harcelé ce voisin-là. Un autre voisin, Joseph Dégueulasse, en français, dit que ça allait vraiment pas bien et qu'il a fallu qu'il déménage ailleurs. Donc maintenant, il dit qu'il va pouvoir retourner à la paix et au calme. Oh, wow. C'est ce qu'il espère en ayant le monsieur en prison pendant 40 ans. Voilà. Hey, 40 ans. 40 ans. Voilà pour après le crime. C'est les liens énorme. Dans les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. On prend une pause au retour. Xavier McClish va être là, Xavier! Quoi? Ça va? Ben oui! Qu'est-ce qui s'en vient, là? On parle, en fait, des sports que je trouve bizarres. Comme ça. Que je comprends pas. Ah, OK. Comme... Le roller derby? Ou peut-être. Mais non, mais que, mettons, ils ont des... Je me demande comment ils recrutent ou où se passent les pratiques de ces sports-là. Okay. C'est vraiment dans la thématique d'Andréane Cartier qu'on a reçu tantôt. Pour voir, dire quasiment que t'as prévu ça pour ça. Non, pour vrai, vous êtes intense sur la communication cérébrale. À chaque semaine, il y a un petit lien. Malade. Autour de la pause, donc, la conique de Xavier. Reste. Oui. À son âge requis. Pour toi aujourd'hui. À son âge requis. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Vous êtes toujours dans l'assemblage requis avec Mathieu Plante et Talia Baudin, mais aussi Xavier McClish qui est là. Eh oui, je suis là. Ça va? Il vient d'arriver. Ouais. Ça va. Hey, quelle fin de semaine j'ai vécu. Raconte-nous donc ça. Rapidement, j'ai eu une formation pour conduire des camions 23 pieds. C'est comme des immenses camions qui sont pas à Doubessieux. Hey, quelle fin de semaine j'ai conduit. Mais j'ai... pourquoi? Pour un nouvel emploi. Un nouvel emploi. Et non, mais sérieusement, j'ai appris à conduire des lifts aussi là, pour des entrepôts. Ouais. Blablabla. Écoute. C'est incroyable. Je pensais pas triper autant à conduire des gros véhicules. Je me sentais comme un petit gars. Ouais, c'est ça. Tanka. Et voilà. Et là, aujourd'hui, on parle de sport. Oui, on parle de sport. Ouais, on parle de sport. C'est le fun parce qu'on a parlé tantôt puis on continue comme ça dans le domaine du sport. C'est comme une petite lignée. Un sujet assez le fun à aborder. Mais avant de parler de sport, par contre. Qu'est-ce qu'il y a? Pas mon intro? Non. Pas ton intro, mais j'allais faire d'autres choses en fait. Quoi? Vas-y. Parce que je sais que vous aimez ça, vous deux, quand je fais ça. C'est d'aller voir l'animateur des Palmarès C'est Fou pour savoir ce qui s'en vient plus tard dans les Palmarès C'est Fou. Merci, monsieur. Aujourd'hui, au Palmarès C'est Fou, ce sera la portion Nouvelles Entrées. On entendra entre autres de nouvelles pièces de Tire le Coyote, Rosie Vallant et Emily Haynes and the Soft Skeleton. Les Palmarès C'est Fou aujourd'hui est du lundi au jeudi de midi à 13h. Soyez-y. Tu vois, c'est ce qui s'en vient au palmarès, c'est fou, ça. Tabarouette. Malade. Mathieu Plante. Mais il est rentré, ouvre la porte, punk son pitch, puis il ressort. Pitch, badaboum, badabing. J'ai jamais vu un gars rentrer puis sortir au sein du studio. Ah ouais, c'est ça, d'habitude. Ouais. On connaît pas ça, nous autres, la rapidité. Non, je suis, écoute, procrastination. C'est Xavier McLeish qu'on reçoit maintenant. Et voilà. Pour sa conique, là. Un, deux, et deux, trois, quatre. Feu de Pardon moi. Où est la piscine? Splish-plosh. Hein? Hein? Oh, je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Parlez-vous. On ne sait pas. Non. Non. Non, vraiment non. Est-ce que cette intro-là a rapport? Non. Pourquoi? Parce que c'est une conique, fait que c'est pas obligé d'avoir rapport. C'est con. C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, Xavier McLeish et sa conique, on parle sport. On parle de sport. C'est une poursuite de ce qui va avoir lieu à VHS cette semaine. Donc, c'est une nouvelle émission du mercredi à 13h. Donc, c'est une poursuite un peu. Donc, si vous appréciez ça, ben, venez écouter mercredi. Premier sport que je vous présente, c'est le softball. Okay. C'est pas de la balle molle, ça, le softball? Ouais. Nomme-moi une équipe professionnelle de softball. Il en existe, mais je connais pas le nom. Professionnelle? OK, nomme-moi une équipe professionnelle de baseball. Ouais, mais là, je pense pas que tu peux être professionnel au softball. C'est pas un sport professionnel. C'est un sport présenté comme étant un sport évolutif devenant professionnel, comme le hockey, le baseball et le soccer. Ah oui. Alors... Nommez-moi une équipe. Nous en donnons une, toi, vois. C'est ça le problème. Il n'y en a pas. Je le sais pas. Ils nous présentent ça, le softball, à la TV. Vous avez sûrement dû voir les pubs des grands. Ça à la TV? Ben oui, des petites pubs de. Moi, grand-maman, je peux aussi jouer au softball. C'est un sport évolutif. Hein? Non? Ben oui! C'est pas. Mon Dieu, vous écoutez sûrement pas le Radio des Sports, là. Non, vraiment pas. Le reste dans le studio, oui, là. Oui, mais pas à ces heures-là. J'imagine pas à la même heure que toi, là. Ben c'est ça. Fait que moi. Hey, mais genre, je me sens loin. C'est normal que je... Sans loin de nous? Oui. Mais pourtant, tu es si près. OK, je suis prêt. C'est correct. T'es un arbre. Non, mais c'est ça. Et... Je suis prêt. Non, non. OK, excellent. Donc, c'est ça. Donc, le softball, dis-moi où ça se pratique, avec qui je peux jouer. Mais je connais le sport balle donnée. Tu comprends? OK, là, attends un peu, là. Softball, balle molle, balle donnée, là, c'est quoi, là? OK, softball, c'est la grosse balle. Grosse balle. Okay. Jaune. Quasiment un ballon. Quasiment, ouais. Le balle molle, c'est lancer baseball, mais tu sais, mou. C'est mollo. Puis balle donnée, c'est le baseball, mais... Ça, par en dessous. Par en dessous, tu lui donnes la balle. OK. Tu lui donnes, puis là, il a swing ou il a swing pas. La balle est donnée. Ben, pour moi, qu'il a swing, vu que c'est elle est directement devant lui. Ça dépend. Il y en a qui n'ont pas la coordination main-œil. OK. C'est pour ça qu'ils vont aller jouer au softball avec la grosse boule. Mais je pensais que le softball, c'était seulement joué dans les écoles primaires. Non, non, non. Il y a des ligues de maths, ligues de softball sur Internet. C'est évolutif, genre. Non, non, évolutif. Il y a des ligues de softball. Il y a Softball Québec. Ah oui. Mais oui. Bon, ben, c'est ça, tu l'as, ton équipe, là. Ah, mais c'est ça, tu l'as. Ils vont pas. Alors, je joue pour Softball Québec, c'est parce que c'est une fédération avec combien de. Moi, en tout cas, j'appellerais mon équipe Testicule Molle. Oh mon Dieu, Mathieu. Ça, c'est sûr. C'est même Softball Canada, ce que je joue en ce moment, là. Oui, hein. Les balles molles de Montréal, c'est une ligue. Ah non, c'est une ligue de balles molles. Ben oui. Tu cherches softball, hein? Ouais. Pas la même chose, même si c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Mon deuxième sport qui va un peu dans la même veine. Le cricket. Mais le cricket là, indien, là. OK, le vrai cricket? Ouais, que tu lances par en dessous, là. OK, oui. Là, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est pas australien, ça, le cricket? Non, non, non. C'est populaire, il y a du baseball australien. Ouais, c'est ça. Il y a du baseball australien, puis il y a du cricket. Il y a plein de sports de balles. Vraiment? J'ai jamais compris les règlements. J'ai beau regarder, comprendre, essayer de... Il y a un gars qui court d'un bord à l'autre du terrain en essayant de faire des points avec un bâton de 4 pieds de large pour une balle grosse comme une balle de golf. Légèrement plus gros qu'une balle de golf. Mm-hmm. C'est quoi le but? Tu peux la frapper où tu veux, quand tu veux. Il y a un gars qui court en diagonale puis du monde qui attend des balles, mais ils reçoivent jamais des balles parce que personne ne les frappe jamais. C'est ça. Est-ce que tu t'es renseigné à savoir c'était quoi les règles? Oui, j'ai écouté des matchs, j'ai regardé les règles. T'as lu des livres? J'ai été sur Internet en fin de semaine, j'étais là, c'est quoi la base du cricket? Et là, je me suis dit, au Québec, as-tu du cricket? Non. Non. Au Québec, le cricket est moins populaire. Ah, ça veut pas dire qu'il y en a pas du tout, mais. Je peux pas dire qu'il y en a pas du tout, mais il y a pas de stade de cricket au Québec. Okay. C'est quoi, c'est la pétanque à la place? Non, ça va être le baseball. Mais là, ça existe des stades de cricket? Ben oui. Je pensais qu'il jouait sur un terrain... Non, c'est immense, un stade de cricket, là. Un stade de cricket, pas juste. Oui, ça. Non, non, c'est immense. Ouais, c'est gros. C'est comme, je pense, c'est deux fois un terrain de soccer, là. Wow. Les gars, avant qu'ils frappent la balle, puis ils pognent, c'est. Ouais. C'est très, très. C'est un rond, en fait. C'est un immense rond. Mm-hmm. T'as jamais vu un aussi gros rond. Puis tu peux faire aucun autre sport sur ce terrain-là, parce que c'est rond. C'est vrai. Il n'y a pas d'autres sports qui ont besoin de terrain. Tu peux pas partager ton terrain, je. Tu sais, mettons, au football, il y en a qui prennent des terrains de joueurs de baseball. Et, ouais. Là, tu peux pas, c'est juste rond. C'est rond. C'est juste un gros rond. Tu peux tourner en rond. Tu peux faire le lancer du poids sphérique. Ouais. Si tu peux lancer une balle à ton chien. Mais tu peux faire des Olympiques, là, maintenant. Ouais, tu peux faire la course ronde. Tu peux faire la course ronde. C'est ça, la course ronde. Au lieu d'un ovale, c'est un rond. Ouais. Tu as des 400 mètres en rond. Mm. Fait que le cricket, non, mais c'est ça. Puis j'ai pas compris le règlement, j'ai pas compris comment ça se jouait. Puis même avec l'explication d'Internet détaillée de YouTube, là, avec une vidéo... C'est pas plus clair. Mm. Parce que j'ai compris qu'il y a, il y a une équipe qui reçoit et une équipe qui frappe. Jusque-là, ça va, comme dans tous les sports. Puis j'ai pas compris comment tu fais des points, puis c'est quoi le but. Le but, c'est de faire le plus d'allers-retours ou le but, c'est de frapper la balle le plus loin? Le but, c'est, je pense que c'est les allers-retours. Les allers-retours, c'est comme un point? Ouais. En tout cas, j'ai été mélangé. J'ai regardé un match. Que j'ai pris 20 minutes. Ça joue à TV, ça aussi. Oui, à RDS, à genre 6h30 du matin, parce que personne n'écoute. Mais. J'ai écouté. Mm-hmm. Après 20 minutes, j'étais endormi. Non, mais il était 6h20 le matin. Non, non, j'ai, sur Internet, là, pas sur RDS. Okay. Est-ce que c'était la fin de ta nuit ou le début de ton matin? Ah, c'était la fin de ma nuit. Ouais. Ben, c'est ça, c'est pour ça que tu t'es endormi. Mais non, non, mais j'avais déjà... Il fallait te conduire ses trucks. Ton cerveau, il était pas apte à tout écouter et à recevoir Écoute, l'information. C'est poche. On trouve que le baseball, c'est attendre longtemps. Le cricket, c'est attendre une éternité. Ouais, il y a littéralement des criquets. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que ça fait la même sûrement que c'était pas la meilleure imitation. Non, non hein. Voilà, je l'ai pas. T'as bien meilleur pour ça, je pense, non? T'as pas les criquets? Pas présentement. Okay. Ah, bah, il ça dépend de ses cheveux. Ouais. Non, ça dépend de ma gorge, en fait. Ah, ta gorge. Ils sont tout prêts l'empêche de faire le criquet. C'est ça, exactement. OK. OK. Troisième sport. Sport, mettons, incompréhensible ou sport alternatif, mettons, c'est ça? Criquet? La liste, là, on établit une liste. Ah non, le sport, juste, je comprends pas. Les sports que je comprends pas. Je comprends pas. Parce que c'est juste ça. Je cherche pas plus loin que ça. Le squash. Le squash. Ouais, mais là, attends, le squash. C'est le tennis quand tu manquais d'espace, dans le fond. Contre un mur, hein, c'est ça. Tennis contre un mur. C'est juste, dans le fond, deux gars qui manquaient d'espace pour jouer au tennis. Ben, c'est comme quand tu joues à un jeu de sport, mais en jeu vidéo contre l'ordinateur. Oui, c'est. Mais c'est pas mal plus intense que le tennis, là. T'as-tu déjà joué au squash? Oui, j'ai déjà joué au squash. Ça rebondit vite, en maudit. Oui. Ça pince. Oui. Ça pince, mais c'est pas là mon point. Mon point est comme, c'est correct le squash, c'est le tennis, t'as un mur. Mettons, là, dans la vie de tous les jours. Le gars qui veut recruter du monde qui veut le faire du squash. Il veut recruter des murs. Ouais. T'sais, fait que là, premièrement, tu vas recruter où? Au terrain de tennis. Ouais. C'est comme tu vas voir dans un autre sport les meilleurs pour les prendre au squash. Ben, souvent, les joueurs de squash, c'est des joueurs de tennis. Ouais, c'est, ben parce qu'ils sont plusieurs là, à jouer contre le mur. Ils sont deux. Un contre un. OK. Mais, puis, c'est ça. Et. Tu pratiques où? Tu sais, nomme-moi un mur de squash, toi, à Trois-Rivières. Je sais. Le Centre Alphonse-Desjardins. Oh, ils ont un mur de squash? Si je me souviens bien, il y a un mur de squash. À TVA, Marie-Pierre Morin va animer le mur cet automne. Face au mur. Face au mur. Ils vont pouvoir jouer dans l'eau. C'est ça. Mais moi, ça me fait capoter de me dire, il y a des sports comme ça, comme le squash. J'adore le squash. J'ai joué comme peut-être 13 fois dans ma vie parce que j'ai un centre près de chez moi. Mais il n'y a aucun autre centre. Il y en a au Centre sportif Alphonse-Desjardins. Donc, il y a un centre à Trois-Rivières. Bon. Est-ce que tu étais au courant? Non, je n'étais pas au courant. Et voilà. Est-ce que je suis au courant des sports en général? Non. Non, non, mais moi, je me dis, il faut que quelqu'un fasse la publicité de ça. J'ai jamais vu de publicité de squash. J'ai jamais vu du monde dire, hey, j'ai fait du squash en fin de semaine dans Barouette, grosse fin de semaine. Moi, je t'entends. Moi, j'ai les amis de mon père jouent au squash. Ils ont quel âge? Ben, cinquantaine. OK. Nomme-moi un joueur de squash professionnel québécois. Mais tu peux pas jouer professionnel. Oui, il y a le championnat du monde. Ouais, mais pas au Québec. Oh oui, il y a des joueurs québécois qui sont dans le championnat du monde de squash. OK. Je dois quand même dire, Xavier, que là, quand même, là, quand tu me dis est-ce que vous connaissez ci, ça ou ça et qui joue à ci ou ça, ça fait un petit peu genre mainstream, là, comme s'il fallait juste aimer des affaires que tout le monde aime. Là. Mais non, mais c'est justement, on ne connaît pas assez. Tu veux qu'on connaisse plus ça, c'est ton but. Là. Oui, je veux faire connaître des sports corrects. C'est pas de dire pourquoi est-ce que ce sport-là existe. Non, non, non, non, non. J'ai juste nommé des sports, mais je comprends pas. Good. Je comprends pas. Je me dis, quand il y a un gars, un Québécois, qui était de mémoire 5e, quand j'étais voir le classement, 5e au monde. Puis Denis Shapovalov du tennis, ouais, qui est 194e au monde. Mais on tout en le parle. Monde en parle. Ouais. Mais tout le monde en parle. Mais ce gars-là. Eugénie même aussi. Eugénie, qui ben est oui. 92e, 73e, mm-hmm. quelque chose même. De poche. Ce gars-là, qui est 5e au monde, québécois, qui fait du squash, dans la ligue, voit sur Internet, marque les championships, ouais, on n'en parle pas. Mais ben voyons donc. Pourquoi? C'est... Je comprends. Voilà, je... voilà encore maintenant, mon point. On en parle, on en parle. On en parle. Oui. Mais c'est qui est son coach? C'est qui ses partisans? C'est qui ses commanditaires? C'est. On le sait pas. Ils ont probablement pas de commanditaire. Non, c'est trop alternatif. Là. C'est trop. Mais faux. Écoute, les Québécois sont sur la scène internationale puis on n'en parle pas. On va parler de Simple Plan, là, qui. Et là, tu penses que ça va être le prochain gros sport qu'il faudrait amener, là, le squash? Ben écoute, là, quand on est bon au tennis, pourquoi on serait pas bon au squash? Ouais. On a des talents fous. Ça va tennis. Pas mal plus vite au squash. Ça revient. Oui. Ça revient vite. Il va pas le bord. C'est plus le fun à regarder que du ping-pong, je trouve. Mais, oui, clairement. Mais ce que je trouve, si vous allez voir une vidéo YouTube, vous avez 2 minutes. Pour vrai, prenez votre 2 minutes, tout le monde à la maison. Allez marquer du squash sur YouTube. Et regardez le championnat du monde de l'année passée. Toutes les murs sont en verre. Fait que le public, il reçoit la balle d'en face. C'est fun, j'aime ça. C'est vraiment. Moi, je pense que j'aurais un saut à chaque fois que la balle. C'est une bonne idée. C'est comme toutes les murs sont en verre. Est-ce qu'ils font ces bruits-là, pareil comme au tennis. Oui. Ben oui. Puis c'est même plus intense parce que vu que c'est hyper haut, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais ça a peut-être 14-15 pieds de haut. Okay. Ça résonne. Ah ouais. Puis t'entends le coup. Non! C'est comme ça résonne vraiment intense. Mais pourquoi les plafonds sont hauts? Parce que, est-ce que tu peux parce que la balle peut pogner maximum 4 murs. Fait que. Mais l'important, c'est que j'ai lu les règlements quand même. Ben oui, hein. Touche le mur du fond. Okay. Ouais. Donc, tu peux frapper le mur de gauche, le mur du fond, puis elle tombe à terre directement. Un point. Elle peut faire un mur de gauche, le mur du fond, le mur de droite, le mur d'arrière tombe à terre. Mais elle peut. Mettons que tu frappes assez fort pour qu'elle ait un assez bon angle. Plus elle fait de mur, plus t'as de points. Non, c'est toujours un point. Mais le but, c'est de déstabiliser ton adversaire. Oui, pas que sache où tu t'en vas. Là. Exactement. Fine. Fait qu'il y en a qui pongent ce qu'on appelle le corner. Ils, disent, ils appellent ça des corners, puis ça compte. Okay. Mais il y a aussi la plaque de calorifère, je l'appelle comme ça. Ça a l'air d'un calorifère dans le bas. Il y a marqué terrain de squash, j'allais voir. Dans le bas, il y a un 2 pieds de calorifère. C'est comme une plaque en plastique. Mm-hmm. Là. Okay. Ça fait ton. C'est comme. Tu sais, j'ai joué taper sur un calorifère. Ouais. Tout le monde a déjà fait ça, taper. Ouais. C'est le même son. Mais pour. Ça a une raison c'est d'être. Le bas du filet. C'est comme si on poignait dans le filet. Ah. Tu comprends? Mais c'est, juste... c'est tout le long du terrain, cette barre-là? Ouais, en bas. Ah. Dans le mur du fond, 2 pieds de haut. Donc, tu dois poigner au-dessus de ça. Et toujours, fait que tu pognes le coin, puis là, faut qu'elle tombe à terre, 2 petits bons, là, ils peuvent la frapper fort, ouais, qu'elle fasse le tour. Mais il y a aussi des limites de hauteur. OK. Fait que si tu sors des limites, comme la mettre dans les estrades au tennis. Ben, c'est donc bien le fun, ça. C'est un beau sport. Ouais. C'est un beau sport. Yeah, ben. Bon, mes deux préférés, hein? Ouais. Parce qu'on s'en va, on est rendu à 4, c'est ça? Oh, oui, ben oui. Ouais. OK. Le bobsleigh. tu comprends pas le bobsleigh? Attends. Dis-moi où tu recrutes quelqu'un pour faire du bobsleigh. C'est la question qui a aucun rapport là. Ouais, c'est pas une ça. Question à poser, c'est pas mais comme c'est ça. Parce que ça dépend de l'intérêt des gens, ouais, mais c'est un mais sport olympique fait, le bobsleigh. Je sais que ça, je dis pas que c'est pas un beau sport. Fait qu'il y a du recrutement qui se fait. Je sais, mais c'est où tu vas à la cour d'école. Il y a un gars Chris Carpet, il prend des notes. Non mais ça se recrute où un bobsleigher? Je sais même pas où tu recrutes un sport normal. Fait que ça mais là, okay, c'est les inscriptions, ça c'est ça se recrute l'intérêt. Dans des compétitions de bobsleigh. Oui. Ouais, mais comment tu commences le bobsleigh? Il n'y a pas de c'est piste. C'est toi, c'est ton intérêt. OK, je tripe sur le bobsleigh là, aujourd'hui. Ouais. Tu as peut-être vu ça aux mais Olympiques. Si tu tripes sur le bobsleigh, là, tu vas t'arranger pour aller faire du bobsleigh. C'est quoi okay, dans piste, Cool Running? C'est quoi le film Cool Running? Ce qu'il y a du bobsleigh dedans, il me semble? Mais ça, ouais. Ouais, mais je veux faire du bobsleigh là. Ouais. C'est-tu où j'aille? Est-ce qu'un qui sait? Voir Robert Sleigh. Non. Faut que j'aille à Calgary. Puis c'est 140$ la descente. Mm-hmm. Ouais, mais si tu veux vraiment le faire, ouais, c'est si rien. Tu veux vraiment le faire. Attends, là, une session de hockey, c'est ça, 500$. Ça veut dire mais que... si tu veux pas jouer au hockey, tu veux faire du bobsleigh. Non, on compare, là, on fait des comparatifs, okay, là. Ouais, mais tu peux pas comparer des pommes avec des oranges, là. Non, mais on s'entend, recruter quelqu'un qui fait du bobsleigh. Recruter! Il a l'air tellement snob quand tu dis ça. Non, mais recruter du bobsleigh! Comment tu fais ça? C'est quoi, je sais pas! Je me suis dit, hey, toi. Mais comment tu recrutes du monde en improvisation d'abord? Ben, c'est. Il y a du casting, le monde sont intéressés, puis c'est accessible. Ben, les gens le monde sont intéressés! Le monde, c'est mais c'est pas accessible le bobsleigh! Tu peux pas pratiquer à 500$ par jour! C'est sûr. Hey, tu peux, c'est juste que ça devient un sport qui est. Dispendieux. Mais peut-être que ce serait plus accessible si les gens y allaient. Mais non, peut-être que l'un va avec ouais, l'autre, c'est cher parce que les gens si vont si pas. Si tu compares ça comme ça, on va dire « Mais pourquoi on recrute pas en course automobile? » Mais parce que c'est un sport qui coûte cher. C'est un sport, non, mais le course automobile, t'as des compétences de base à avoir. Mais le bobsleigh aussi. Le monde sont directement... Tu vas faire une... Il y a du monde qui te scout au karting, même si c'est ta première journée à vie. Là. Mm-hmm. Au bobsleigh, moi, je vais faire une descente en bobsleigh pour le fun avec mes parents. Hey, ben, c'est peut-être... Toi, Aujourd'hui, tu m'as impressionné. Ben, peut-être. Peut-être une question de glissade d'eau, tu sais, d'avoir le contrôle de tes fesses. Mais c'est ça. Mais ouais. Moi, je pense que c'est le même, ça se recrute. C'est au village vacances dans le quartier. Ouais. Ils font des journées luges de rue. Ouais, ils te donnent des luges. Il y a un grand bas que c'est ça, ok, excellent. Non, trop lent. Ok, non, les pieds à gauche. Mais je comprends pas. Ben, si tu vas sur Bobsleigh Québec, c'est marqué Bobsleigh Québec est à la recherche d'athlètes de puissance. Fait que, tu sais, déjà là, en partant, le recrutement se fait direct sur le site. C'est sur le même site que je suis allé et je suis certain. Je n'ai pas regardé que c'est écrit Carleton à côté. Parce qu'ils recherchent du monde pour la luge solo. Oh! Mais c'est à Waterloo au Québec en passant. Oui, c'est à Waterloo, c'est de la luge. Oui, mais faut que tu commences par la luge. Ben oui, pour mais. C'est comme dire qu'il faut que tu commences par le karting avant d'aller faire de la F1. Ok, ok, ok. Fait que faut que tu commences par la luge. Ben la luge, ben, c'est la base du bobsleigh. C'est une luge qui est en dessous. Oui, oui, mais attends, sont quatre gars. Moi, je me suis dit, il doit y avoir une affaire de poids aussi là-dedans. Ah, peut-être. Ben oui, c'est sûr, je pense que ouais. C'est sûr qu'il y a une affaire de shape et de poids. Mais le Scarleton. Ben, faut que tu fites dedans. C'est au Québec. Déjà au Québec, c'est ça. C'est le Scarleton qui est le sport. Mais, griff, il n'y a pas de piste. Moi, je me suis dit, comment qu'ils font. Puis, au Québec, c'est vraiment con, là, mais en été, là. Mm-hmm. Tu fais pas ça sur des roues, là. J'imagine. Tu fais pas de la luge. Non, tu vas en Europe, c'est comme les gens qui font du ski. Oui. Oui, ils vont en Europe. Ils vont s'entraîner en Europe. Le petit gars qui joue au hockey, tu sais, il y a quand même des camps d'été parce que les arénas sont tenues. On parle de tennis, les terrains de tennis sont ouverts à l'année, été comme hiver, terrain intérieur. T'es en train de dire que tout le monde devrait juste s'entraîner en hockey. Non, non, non, non. Au football, ben, il y a des terrains intérieurs. En bobsleigh, là, t'as pas de piste intérieure de Scarleton. Puis il n'y a pas un gars de 12 ans qui fait « Maman, en fin de semaine, je fais mon camp d'entraînement en Europe. » Il n'y a personne qui va qui va permettre à son enfant de 12 ans d'aller faire un camp d'entraînement à millions en Europe. Là. Moi, en tout cas, c'est ça. Je me suis juste dit c'est un sport inaccessible, mais c'est un sport qui mérite d'être connu parce qu'il y a des techniques folles. Et voilà, j'aime ça que tu amènes du positif. C'est parce là que qu'on là, arrive. C'est ça, mais là, je suis négatif. Je ne suis pas négatif, je suis comme plus comique là, parce que je comprenais pas. Mais c'est un sport qui est fou. Imagine, il y a du monde qui vont descendre à 3, 4, 500 km/h par moment là, quand ils font des tests, parce que j'ai vu ça, en ligne droite. On s'entend, là? Ouais. Et quand ils font pas les curves, ils sont pas à 600, là, pour tester les skis. C'est faire du patin à 600 km. Sur deux patins, là, c'est deux patins de hockey, un peu plus large, on s'entend. Ils vont faire du patin à 600 km/h. Ils sont quatre gars dans une boîte de savon. Tu peux en faire à Mont-Tremblant en passant. Ah oui. Ouais, mais est-ce que c'est sur des skis? C'est un bobsleigh à quatre personnes. Ouais, mais sur ski ou sur neige? Sur ski, je pense. Parce que moi, je pense. En tout cas, à Mont-Tremblant, il est. En tout cas, peut-être, là. Est-ce que c'est sur de la neige? Neige. Ok. Mais, non, mais c'est correct, c'est le même concept. Là. C'est juste que t'es sur un. T'es plat au lieu d'être sur deux lames. Mm-hmm. Et t'apprends ça, ça prend de la puissance. Entre autres, le porteur de. Le receveur, Samuel Giguère, joueur de football NFL, a fait du bobsleigh pour l'équipe canadienne. Ouais. Mais ce gars-là a les plus gros jambes, muscles jambiers que j'ai jamais vu. Clair. Il y a deux jambons, là. Mais c'est la puissance des jambes. C'est quand même des muscles, ça prend aussi de la dextérité. Puis. Une connexion incroyable. On le sous-estime, le bobsleigh. Oui, je le sous-estime, le bobsleigh, énormément. Oui, oui, oui. Mais avoir quatre gars embarqués aussi vite dans un petit bolide, les jambes rentrées, moi, j'ai la misère à faire ça dans mon char. C'est large, un auto. Il rentre dans une. C'est à peu près, là, ça, pour vous donner une idée, c'est à 2,5 pieds de large, le trou qui rentre. T'as-tu bien fait tes recherches, là? Oui. Parce que moi, je suis en train de lire un article, là, comme quoi Waterloo est parti une piste de bobsleigh. Oui, sur rail. Oui, exactement, pour s'entraîner. Pas la même affaire. Mais c'est pas la même affaire. Mais est-ce qu'un rail, là, mettons que t'es sur un train, là. Ouais. C'est dur en tabarouette. Ouais, mais t'es sur une rail, là, quand tu fais du bobsleigh, là. Oui, mais c'est tes deux patins qui font ta rail. Oui, mais ta rail est quand même plus large, puis ton angle, puis tu contrôles ta distance. Oh boy. Défais pas nos équipements. Ça. Moi, s'il te plaît. Tu contrôles, tu sais, où tu rentres dans la curve. Mais le rail, c'est un chemin prédéterminé. Ouais. Ouais. Puis là, ils vont ajuster leur chemin en fonction de ce qu'ils veulent faire, tu vois. Mais oui, mais c'est pas. C'est comme. Tu peux pas avoir ça. C'est pas accessible aux tailles à Waterloo. Mm-hmm. Faut que tu payes pour t'inscrire. C'est du départ. Là. Waterloo, c'est la seule place au Québec. Sinon, faut que tu ailles à Calgary pour en faire du vrai pour l'instant. Parce que c'est la seule piste qui a été construite pour les Jeux Olympiques de Calgary. Oui, exact. Puis Vancouver en a fait ses Jeux Olympiques en bobsleigh à Calgary. Fait qu'ils ont ramené ça à Calgary. Fait que tu sais, ils n'ont pas construit un autre. Mm-hmm. Mais oui, on est bons, les Canadiens. Les Albertains sont incroyables en bobsleigh. Je regardais ça, c'est quasiment juste des Albertains qui font du bobsleigh. Puis pour vrai, c'est juste que je me suis toujours dit, je me suis toujours demandé où est-ce qu'ils recrutent. Puis là, je réalise que oui, à Waterloo, mais en même temps, qui veut vraiment aller à Waterloo payer de l'argent pour faire. Mais oui, tu sais, c'est parfait. Mais c'est juste, je me demande c'est quoi l'intérêt. Tu sais, c'est quatre personnes hein, sur l'équipe nationale. C'est juste ça. Tu sais, fait que ça prend pas tant de monde. Oh, mais c'est l'élite. Ouais, c'est ça, dans c'est l'élite. Au Canada. Ah, c'est quoi les autres compétitions? Ça, je n'ai pas trouvé, j'ai pas fait de recherche non plus, là, mais les autres compétitions de bobsleigh. Ben, ça doit se passer dans l'Ouest canadien. Ça doit se passer dans l'Ouest, là, interne mm-hmm. Canada, là. Ou peut-être tu reçois des Japonais parce qu'ils font tous les sports, les Chinois et les Japonais, là. Ou mais... tu vas peut-être jouer aux États, dans le nord des États. C'est quoi le mot pour ça? Tu vas-tu jouer? Tu vas-tu glisser? Tu compétitionner. Compétitionner, ouais. Je compétitionne. Ouais. Tu peux pas jouer au bobsleigh. Non. Tu peux pas participer. Tu peux compétitionner. Compétitionner. Parce que maintenant, ouais, ben, tu pourrais sûrement jouer si tu joues. Tu vas descendre. Descends. Je vais descendre contre le bobsleigh. Tu vas bobsleigh. Je vais slide. Moi, j'en vais slide dans la semaine. Et. Bon. Attention. Moi, c'est un sport que j'adore regarder, mais. Sérieusement, je comprends pas l'intérêt qu'on peut avoir pour ce sport-là. J'adore ce sport-là. C'est un des sports les plus physiques que je vais parler aujourd'hui. Attendez, je vous laisse faire l'intro. C'est un sport qui demande des compétences physiques incroyables. C'est un sport que je ne peux pas pratiquer. C'est dû à des complications physiques personnelles, mm-hmm. une blessure. Ouais. Mm-hmm. C'est un sport qui est très, très, très sous-estimé et que probablement que vous avez déjà regardé, le water polo. Oui. On en a parlé la semaine dernière. Je me souviens. Le water polo, là, dans le fond, c'est du handball, mm-hmm. déjà qui est un sport moyennement populaire, le handball, sur l'eau. Mm-hmm. Jusque là, tout le monde suit. Ça va bien. Ça va bien. Mais les jambes, ils savent-vous qu'ils touchent jamais au fond? Ouais. Ouais, c'est bizarre. Tu joues dans le creux. Ils touchent jamais au fond. Puis la langue sur place est puissante. Tu dois tenir ton bras tout le temps derrière de l'eau. Mais il me semble que moi, un battement de pied sur deux, je serais dans l'eau. Clairement. OK. Il faut que tu te débattes en plus. Parce qu'ils ont le droit de te caler, là. Hein? Ouais, ils ont le droit de te peser sa tête. Mais je comprends pas. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais dans le temps, c'est le même. Ça, on fera ce sport parce que je viens d'avoir le sixième aussi, un autre je voulais faire, puis j'hésitais. Si on a le temps, on peut faire six. Mais le water polo, c'est. Je comprends pas l'intérêt que tu peux avoir et le. Je comprends pas, j'aurais pas de fun, moi, à me faire caler. Tout le temps la tête dans l'eau. Ça dépend, peut-être que toi, tu réussis à caler les autres avant que tu te fasses caler. Ouais. C'est un défi de plus dans ta vie aussi. C'est notre chroniqueur Marc-Olivier Dumas qui disait qu'il faisait du water polo. Ouais. Il fait du water polo? Ouais. J'aimerais vraiment, Marc-Olivier, si tu écoutes, viens me parler. Ce soir, à la Chasse-Galerie, je vais être là. Je vais avoir le temps à se parler. It's a date! It's a date! Mais non, mais je veux comprendre. Je comprends pas comment. Moi, j'aurais pas. Je pense pas que j'aurais de fun. Tu sais, à regarder les autres, mais se faire caler, prendre un bouillon, se faire un excès. Puis ils ont tous des petits casques en cuir en plus, avec leur numéro écrit dessus, là, puis leur couleur. En cuir, quoi. Ouais, mais je pense que c'est du cuir. Je sais pas, ça ressemble à un casque de bain avec des protèges-oreilles. Ouais, ça ressemble à ça. C'est... Puis, je me dis, c'est quoi le plaisir à se faire noyer? C'est là ma question. J'avoue, d'avoir de l'eau dans le nez, j'aime pas ça. Ouais. Je le ferais pas mais en permanence. Mais ils ont des pince-nez, je pense. Je sais, faudrait demander à monsieur. Ouais. Mais ça, mais aux Olympiques, ils ont des pince-nez. Ont des pince-nez. Mais oui, c'est une préférence, peut-être. Ouais. Mais tu fais quand même noyer. Ben oui. T'sais, c'est quand même. C'est le... sûr. C'est le principe du jeu. Puis moi, je me dis que ça vient à l'encontre de toutes les règles qu'on implique aux enfants à la piscine. Mais c'est comme le rugby aussi. J'avoue. Non, mais le rugby... Ben, c'est quoi le plaisir à se faire rentrer dedans puis à se faire démembrer tous les membres du corps? Non, je dis pas que c'est le seul sport qui est comme ça. Il y a des gens qui aiment le sadomaso. Exactement. C'est jouer le fun là-dedans. Moi, je me dis. T'aimes ça te faire voler dessus par 12 gars en même temps pour te faire voler un ballon? Moi, je me dis juste, je comprends pas où est le plaisir. Puis où est. On détruit, c'est ça que je dis. On dit aux enfants, OK, on pousse pas les amis dans l'eau, on les cale pas. Puis là, ils vont. Tu dis, hey, venez, en fait, man, une compétition de water polo. Puis ils vont juste du monde tout le temps se caler. C'est ça. Fait que là, ils commencent à courir tout le tour avec des ciseaux dans les mains. C'est ces enfants-là, c'est ça, exactement. C'est ces enfants-là que tu recrute jeune. Ces autres, ils sont grenouilles, tu sais, dans la piscine. Ils ont comme 2 ans, puis ils noient les autres. Ouais, ils vont faire du water polo. Viens, on fait du water polo. Mais non, ça, puis il y a un autre sport qui s'en va dans les mêmes veines que je comprends pas aussi. C'est le hockey d'eau. Hockey de piscine. Hockey de piscine. Hockey, je sais pas comment il dit. Ça joue dans le fond? Ouais. Hein? Avec des petits bâtons, des disques. Puis. Ouais. Le hockey sous-marin. Hockey. Je sais plus, c'est hockey de piscine, là. Du hockey de piscine. Okay. T'as des hockey puis des rondelles, puis ça cale la rondelle, fait que t'es dans le fond de l'eau en tout temps, pis t'as les jambes comme en angle. C'est quand même bizarre, ça. C'est le hockey d'eau sous-marin, je pense que c'est hockey sous-marin. Du subaquatique. Hockey subaquatique, voilà. Hockey subaquatique. Oui, et puis regarde la vidéo, le Daniel. Il y a un nom plus catchy. C'est des gars, puis ils ont des masques. Ils ont des tubas. Fait que comme, faut que t'ailles rechercher ton air, tu fais une passe au copier, retourne chercher ton air. À un moment donné, je me dis, c'est sûr que ce sport-là, il. Faut que t'aies une respiration d'enfer. C'est clair. C'est des dauphins, là. Oui. des petits dauphins. Et ce sport-là est très, très, très, très, très populaire au Canada, mais je n'avais jamais entendu parler. Le Canada, ouais, le Canada a participé à Gatineau. Ils ont gagné leur place au championnat mondial en Australie pour 2017. Ouais, je sais, j'ai vu ça à la TV. C'est impressionnant son... C'est mix en oui, plus, c'est les ça. Équipes. Il y a, mais c'est beaucoup de filles, je pense, plus que des gars, là. Ça se peut, ouais. Puis le but, c'est comme la photo, yoga, là. Tu vois la photo sur l'écran, Daniel? Non, non, au centre. Au ça centre. Au centre, oui, ici. Regarde le petit but. Ils sont tous à se battre. Je te jure, là, je pense que c'est pas plus gros. C'est pas plus gros que entre les deux micros. Ouais. Hey, c'est vraiment un bon exemple pour la radio. Non, quand mais même, c'est un exemple. Ça a trois pieds. Ça a trois pieds par un pied de haut. Ça a trois pieds de large. Ils font la longeur de la piscine pour trois pieds. C'est vraiment... Il n'y a pas de gardien de but, là. C'est, ouais. Quand tu as un gardien de but, là-dedans, il se couche en avant, puis il n'y a rien qui rentre. C'est un minuscule but, t'as raison. Mais d'après moi, ils jouent dans le pas creux, mais en dessous de l'eau. Oui. En tout cas, ils sont de la tête aux pieds dans l'eau, là. Ouais. Oui, ils sont submergés d'eau. Subaquatique. Subaquatique. Ouais. OK, on finit. Il reste du temps? J'ai encore du temps? Vas-y. J'ai encore... La crosse. La crosse, oui. Hey, c'est très, très populaire. Sachez que l'UQTR est une des meilleures équipes de la Ligue universitaire. Mm-hmm. Attention à ce que tu dis. Et voilà. Mais je regardais les matchs de crosse plus jeunes. Pour vrai, j'ai regardé ça. T'as tellement des bleus en sortant de ces matchs-là, c'est sûr. C'est les gars, ça pince. Ça, ils se frappent avec les bâtons. Ouais. Ils sont là, puis c'est comme... En fait, c'est amérindien, on ne sait pas. Mm-hmm. Savez-vous que c'est un des deux sports nationaux canadiens? Ouais. Ah, non. Mon père jouait à ça quand il était plus jeune. OK, quel est le premier sport national canadien? On va le hockey. Le hockey, et le deuxième est la crosse. La crosse. Techniquement, la crosse est le premier, et le hockey le deuxième. Maintenant, typologiquement... Mais je pense que la crosse, c'était l'alternative au hockey pour l'été dans le temps. Je pense que c'était plus un sport féminin. Aussi. Ça à l'époque, se peut, avant que la ringuette arrive, là. Mais c'est surtout le sport où les Amérindiens pratiquaient. Puis la crosse, c'est hyper rough pour tout le corps. Mais oui. Puis c'est comme du deck hockey, mais avec un équipement vraiment plus solide. Puis les casques. Est-ce que vous avez une image de crosse en ce moment? Oui. Regarde les casques. Oui. En direct, tu t'en vas faire. On dirait un casque de football, en fait. Oui, on dirait un gros casque. C'est ça. De motocross. Un mix entre motocross et football. Écoute, je sais pas comment ça. J'ai jamais pesé ça sur ma tête, mais si c'est aussi lourd que ce que je vois, là, je le perçois. Écoute, non seulement tu cours, t'as chaud, c'est dehors, tu te fais frapper à coups de bâton, puis t'as un casque de motocross sur la tête. Écoute. C'est sûr. C'est quoi ça? C'est pas que je dénie. J'adore, là, j'aimerais ça. Ben, un peu, quand j'adore même. J'adore ce sport-là, mais tabarouette. C'est un sport que. Un autre sport où tu te dis aïe aïe, ok. C'est qui est assez craqué, là. Est-ce que vous saviez qu'en 2014, c'est les Canadiennes qui ont gagné le titre mondial à la crosse? Je savais pas ça. Ouais, mais maintenant vous le savez. Mais on parle de plein de sports populaires qui sont sur la scène internationale, mais pas tant. Mm-hmm. Tu sais, Denis Shapovalov, il y a plein de petits Denis qui sont nés dans les dernières journées. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pas des jokes, là. Ils vont s'appeler Denis, là, parce que lui, c'est un Américain, puis il y a un S à la fin, puis il le prononce. Mais plein de petits Denis qui sont nés, mais on parlera pas de ces joueurs-là ou de ces compétitions-là où qu'on est vraiment performant parce que c'est des sports émergents. Mm-hmm. Mais pas émergents, c'est un autre sport national. Tu sais, ils passent le baby-foot à TV. Pour vrai? Oui! Pourquoi ils passeraient pas la crosse? Pourquoi ils passeraient Attends, pas... Attends, ils passent le baby-foot à TV? Oui. Ouais. Quand il y a des compétitions de jeux vidéo, là, aussi, avec les gars de la Ligue nationale. Ils sont rendus, ils font n'importe où. Passez-nous à la TV, passez-nous des sports. Non, mais je vais me fâcher. Passez-nous des sports où on est bon internationalement. Je comprends que c'est le fun de regarder les joueurs de hockey jouer au hockey sur une petite plate. Ben, pas tant, c'est plate, là. C'est pas chier. Surtout quand c'est Tammy Verge qui anime ça. Et l'autre file. File la prise. Non, file la prise. Elle fait quoi, Tammy Verge, là? Je sais pas. Parce qu'elle anime ça. Il y a plus de job à V, personne. Ça doit être ça. C'est fini les quiz. Mais t'animes maintenant des jeux vidéo à RDS, Tammy Verge. Mais non, pensez-nous des sports où on est. Tu sais, il y a, c'est ça, 5 ou 6e, là, le gars de squash, la crosse où on performe, on est championne canadienne, championne des Canadiens cette année. On n'a pas vu ça. Il y a des ligues, entre autres à Calgary, il y a des équipes. À Toronto, il y a une équipe de crosse professionnelle. Dans les grosses villes canadiennes, on n'a pas ça à Montréal. Il y en a-tu une à Montréal? De mémoire, non. J'ai pas d'équipe de cross à Montréal. Je pense que oui, là, parce qu'il y en a universitaire. Donc, ouais. IDM, Non, je parle dans la Ligue nationale là, de cross. Là. Je recherche live. Mais, Ligue de cross du Grand Montréal. Bon, tu vois. Non, mais il y a une ligue. La cross professionnelle à Montréal. OK, il s'appelle comment? J'ouvre. 74. Il y a un ancien joueur des Canadiens, John Ferguson, qui a fondé la Ligue nationale de cross en 1974. Il y a 6 équipes qui forment cette nouvelle ligue, celle du Maryland, de Philadelphie, Rochester, Syracuse, Toronto et les Québécois de Montréal. Oh, voilà! Les Québécois de Montréal? C'est les Québécois de Montréal. C'est quelle année l'article? Parce que c'est pas ça les équipes que j'ai vues. Ben là, je suis sur le site de Radio Cannes. Bon. Il n'y a pas de date. Mais c'est ça, mais il y avait Calgary, il y avait Toronto, qui avait des équipes. Montréal n'avait pas l'air... 2008. Donc, c'est ça. Calgary est rendu dans la Ligue. Je pense que Montréal a perdu la Ligue nationale de cross. Allez voir ça. C'est vraiment impressionnant. Puis des matchs, les gars sont sportifs. Mais c'est ça. C'est impressionnant à voir ce sport-là. Puis pourquoi pas avoir un retour de ce sport-là qui est émergent. Ça fait le tour pour ma chronique sur les sports. Et si on voulait plus, si vous avez trouvé ça drôle, si vous avez trouvé ça humoristique, ben on VHS de 13h à 15h le mercredi. Les mercredis avec ta co-animatrice. Noémie Lemire. Noémie Lemire. Donc, c'est variété, variété, humour, sport. Le V, ça pourrait être autre chose, mais c'est variété. Variété, c'est variété. Humour et sport. Donc, des tops sur différents sujets par toi, par ta co-animatrice. Oui. On passe 2 heures à faire de l'humour et de la musique. Aussi. Mais en fait, les sujets, voulez-vous les sujets cette semaine? Oui, vas-y. Non, va. Alors, au niveau de la variété, on va parler des prénoms. OK. Dont les noms... Vous allez rire ce monde. Non, mais c'est juste, tu sais, les choix de prénoms en ce moment, dont le petit Denis, tu sais. Oui. Les choix de prénoms. On va aussi parler des top sports les plus sous-estimés ou préjugés. OK. On va parler des top moments d'adrénaline à vivre à Trois-Rivières. D'adrénaline. OK, oui. D'adrénaline. À Trois-Rivières. Mm-hmm. Et voilà. Wow! Donc, c'est mercredi à 15h à l'émission VHS. Oui. Merci, Xavier. On a une petite fin d'émission à faire. Tania, je ne crois pas qu'on ait le temps de faire ta deuxième chronique aujourd'hui. Il n'y a aucun problème, je garde ça pour demain. Ah, on avait tellement d'espoir. Ben oui, mais tu sais, hein, qu'est-ce que je te dis? On écoute Will Worm avec Deserve to Die, puis on revient pour la conclusion de l'émission. Restez là. À Assemblage Requis, sur C'est Fou. 89.1 FM. mais Deserve to Die à Assemblage Rocky. C'est pas mal là-dessus que ça va se terminer, mais le temps de vous dire qu'on a fait des petites recherches en Sasquatch et en trucs. Qu'est-ce que vous avez trouvé, les amis? Mais ils vont avoir un championnat du monde. Oui. Suivez-le. De squash. De squash. Ils vont aller à Marseille du 27 au novembre au 3 décembre qui s'en viennent. Écoute, prenez deux minutes, écoutez un match au moins. Là. Il y a le Canada fait partie de la Coupe du monde. Mm-hmm. Donc, ils vont avoir le pays représenté. Ils se battent contre plein d'autres pays. Entre autres, j'ai vu l'Égypte, j'ai vu l'Autriche. L'Afrique. Donc, Afrique du Sud. Alors, profitez-en, écoutez des sports émergents parce qu'on aime ça. Belle morale, ça, Xavier, hein, à place de dire où est-ce qu'on s'inscrit pour ça. On se demandait pourquoi le squash passe pas à RDS. Ouais. Honnêtement, ça doit être à cause de la complexité de pouvoir filmer ça. Ah, j'avoue, hein, dans une petite pièce quand même fermée. Mais non, mais ça, je dis, toutes les murs sont en verre. Ouais, mais ils peuvent mettre à l'envers. Mais oui. Ah, mais c'est à quel point c'est compliqué filmer à travers une fenêtre? Les fenêtres, il faut qu'ils mettent comme un petit peu penchées vers l'avant ou vers l'arrière. Fait que légalement, dans le jeu, j'imagine qu'il faut que ce soit droit. Fait qu'ils peuvent... Écoute, on va appeler RDS. C'est ça, je me mets là-dessus. Merci, Xavier. Merci, Tania, bien sûr. Merci aussi à toi, Mathieu. On se retrouve demain, l'émission va être mardi. J'ai le malheur de vous annoncer qu'on n'aura probablement pas David Ferron, qui est atteint d'une grosse grippe en ce moment. Il vient de venir nous le dire en studio. Que voulez-vous? On va se passer lui demain, probablement. C'est mercredi, pardon. David, j'avais oublié que c'était mercredi. Demain, on a Marc-Olivier Dumas pour sa chronique sportive à 8h. On va peut-être parler de water polo avec lui. Peut-être. Dominique Mavungu va être là pour la chronique sur l'actualité africaine. C'est demain entre 7h et 10h, toujours en direct. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, bien sûr, nous, on va de retour à midi pour les palmarès si fous, édition nouvelles entrées. Ensuite, la rediffusion de rock classique. Puis, à 20h, c'est Rock de Neurone. Mais dans quelques instants, ce sera l'émission C'est fou, c'est fou le sexe. Pas C'est fou de sexe, c'est fou non, le c'est sexe. C'est fou le sexe. Et on se quitte avec l'hommage au water polo et aux autres sports aquatiques. On écoute Piscine privée de Macala. Puis on se retrouve demain à 7h. Bye bye! Bye bye tout le monde, bon café! Bye. Ça se verrait. Si je montais, ça se verrait.